You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 109 de l'Horreur Gamer Show. Mais Sébastien Bouchard au micro, mais ça fait tomber longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Et oui, même je toi, suis. T'es surpris. Oui, même moi, je suis même pas sûr. Comment... J'avais oublié le titre du show. Non, c'est ça. Écoute, ça fait. J'ai regardé, là, ça fait depuis l'épisode 100 que j'étais pas là. Fait que ça fait 8 épisodes que je manquais. Ceux qui savent, j'ai eu un petit bébé et tout ça, donc les nuits ont été rough, puis j'ai même été obligé d'allonger mon congé parental, donc je me voyais mal faire des shows. Anyway, j'étais incapable d'écouter des films en moins de 3 séances. De toute façon, j'imagine qu'un exercice est quand même difficile sur le moral, fait que ouais. Toi, je comprends pourquoi t'es... Ouais, c'est ça, j'en ai obligé d'exorciser le bébé. Hey, sérieux, là. Écoutez, avant qu'on continue, Steven, salut Steven. Salut Sébastien, vraiment très content de te retrouver, sérieusement. Moi aussi, et moi aussi, je suis vraiment content. Puis salut aux gens qui nous écoutent live, s'il y en a, pour nos Patreon. On s'en charge tantôt. Mais oui, écoute, tu disais un exorciste, parenthèse, là, ma petite a fait tellement des grosses crises quand c'est le temps de s'endormir, là, à vire par en arrière la tête, puis les jambes se crispent. Puis honnêtement, elle fait un beau U comme quand dans l'exercice, elle descend et marche. Tu sais, là. Oh, elle est pas loin de ça, là. Sérieusement, là. Elle graffine la face, elle tire la poêle, elle donne des coups de pied. C'est fun. Il m'est arrivé une expérience assez similaire. Je revenais de travailler, puis ma copine, elle dormait déjà, puis mon petit garçon aussi. Puis là, je rentre dans la chambre en la regardant un peu pour aller lui donner un bisou comme d'habitude. Mais là, je me rends compte qu'il est vraiment placé tout croche également. Fait que je suis comme, OK, je viens pour le replacer. Puis au moment que je le touche, il y a comme deux jouets audio qui se déclenchent à terre. J'étais comme, j'aime pas ça. Fait que reste comme ça, je ressors de la pièce. Bonne nuit. Bonne nuit. T'auras mal au dos demain. Hey, épisode un peu spécial aujourd'hui parce qu'on n'a pas vraiment de sujet de film. D'ailleurs, ça va peut-être être un peu comme ça pendant les prochains épisodes. On semblait entre nous, on se cherche, je pense. Le podcast se cherche, puis l'obligation des deux films, trouver un sujet, tout ça, j'ai l'impression que pour certains, c'est un peu en train de devenir plus une tâche, okay. Une corvée. Plutôt que de juste dire, hey, on se rencontre et on jase d'horreur. Donc, mais je pense que peut-être Horror Gamer est en train de trouver une certaine maturité. Puis je crois qu'on est peut-être dû pour faire ça en tant que tel, remettre en question mm-hmm. certaines choses, puis peut-être améliorer des éléments dans le show. Fait que moi, je le vois de façon positive ouais. pour la simple raison que j'ai envie qu'on continue. Fait que ça risque d'être une bonne chose. Si jamais vous qui écoutez le show, vous dites « Oh, ils sont en train de se chercher », belle occasion de leur passer des commentaires positifs ou négatifs. Ou, en tout cas, tant que c'est constructif. Fermez cette petite show-là. Tant que c'est constructif. Fermez-moi ça, si tu achètes. Fermez un shop, donnez-moi mon argent. Mais non, c'est ça. Si vous avez des commentaires constructifs, allez-y allègrement. On va être vraiment heureux de les recevoir parce que, honnêtement, c'est ça. Quand on cherche comme ça, c'est le fun d'avoir du feedback. Et peut-être que justement, il y aura un sondage qu'on publiera là, où on c'est posera le fun certaines questions. Comme un psychiatre gratuit. Oui. Puis, hey, parlant de nos auditeurs, parce que là, on fait un épisode tour de table un peu, ou en tout cas, discussion où on y va de toutes sortes de sujets. J'ai demandé aujourd'hui aux gens sur notre page et sur notre groupe Facebook de nous donner des sujets ou des films sur lesquels ils auraient aimé nous entendre parler. Puis moi, je regardais les noms des gens qui étaient là, qui nous écrivaient, et à part peut-être un ou deux noms, les autres, je ne les reconnaissais pas du tout. Puis, depuis que je suis dans Horror Gamer, on dirait que je vois toujours les mêmes noms. Je ne sais pas si c'était pareil. Ben oui, en tant que tel, c'est sûr qu'on a les réguliers qui écoutent nos épisodes à chaque fois qu'ils sortent, mais je crois que En même temps, ça fait un long moment qu'on n'a pas sorti de nouveaux épisodes. Puis peut-être que depuis le temps qu'on a eu beaucoup de nouveaux membres, ben ça s'ajoute. Puis finalement, ils sont moins gênés qu'on pourrait le penser. Puis ils décident de se joindre à la conversation. Fait que c'est nice. Puis ça, c'est très, très nice. Ouais. Peut-être aussi que c'est juste des affamés de concours. Mais ça, aussi, c'est correct. Parce que d'ailleurs, là, parlant de concours, on en avait un qui se terminait ce soir. J'ai pas encore fait le tirage. Il y a une petite prolongation qui se fait, là, mais. Les cinq laissés passer double pour aller voir Héréditaire. Là. Ouais. C'est solide. Là. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je l'attends en esti, ce film-là. Ben, écoute, je ne suis pas du genre assez trop hypé, mais je m'attends au film d'horreur de l'année. Mais je veux dire, avec... Non, mais tout ce qui a été dit au festival, oui. Tout le bouche à oreille, ou ça, là, c'est... Mon hype est vraiment gigantesque. Fait que si je sors de la salle déçu, je vais vraiment être déçu. Fait que... Puis tu vois, d'ailleurs, il y a quelqu'un, il y a Julien Major qui nous demandait de faire un review de la bande-annonce de Héréditaire. Ben, j'en ferai pas parce que je l'ai écouté sur le fast-forward avec les yeux à moitié ouverts. J'ai juste voulu voir rapidement. Moi, je le ferai pas pour la simple raison que je ne peux plus faire de review de bande-annonce. Je reste vierge. C'est rendu ouais. Ça mon plaisir. Parce que, honnêtement, depuis que j'ai commencé à faire ça, à toutes les fois que je vais voir un nouveau film d'horreur, j'ai aucune idée de quand est-ce que le jumpscare va arriver ou quelle scène. Tu sais, souvent, tu analyses une bande-annonce, puis là, tu vois la scène qui arrive, puis tu es comme, ah oh, oui, c'est là qu'il va apparaître dans la fenêtre ou peu importe. Puis je suis comme, ah, je suis tanné, j'ai envie d'avoir des surprises maintenant. Ah ben, tu sais, genre, ah non, un tel peut pas mourir parce que dans la bande-annonce, je l'ai vu dire telle affaire, puis il l'a pas encore dit. Tu sais, il y a des bandes-annonces, des fois, que je visionne pareil, de films que je m'en contrefous, puis tu avais une des dernières productions de la Blumhouse, True or Dare, tu sais, qui avait déjà l'air pas forcément très bon, puis dans la bande-annonce, je te jure. Tu vois pratiquement la plupart des morts qui sont dans le film. Fait que je me dis, crime, quand t'arrives au cinéma, tu peux prévoir d'avance qui va mourir dans tout le groupe. C'est vraiment... Ah oui, c'est un agaçant. C'est inutile. Non, fait que c'est ça, ben je dirais que je suis pas encore tout à fait comme toi. Mais moi, je tu sais, maintenant, on a quoi? On a souvent 3-4 bandes-annonces pour un film. Là. Ça s'est rendu ridicule. Ben, et même, on est rendu des bandes-annonces de bandes-annonces. Oui, oui, également. Fait que moi, je suis souvent du genre à m'arrêter après la première. Si je veux avoir un aperçu. Le teaser reste, je te dirais, la meilleure bonne annonce. Puis souvent, tu sais, ça dure quoi? Une minute, puis ça te montre de façon assez vague des moments ouais. Du film. Fait que je trouve que c'est pas mal les meilleures bonnes annonces. Parce que dès qu'on rentre dans bonne annonce 2, bonne annonce 3 et le fameux bonne annonce finale, ouais. Comme toutes les Marvel ou les films de Disney, je veux dire, rendu là, t'as vu une grosse partie du film. Ou les pires, c'est les Red Band. Ouais, ça j'ai vraiment Band. Abandonné aussi. Écoute, ça, là, ils t'en montraient beaucoup trop. Quand tu regardes que la durée de la bande annonce, c'est 2 minutes 45, là, sérieux, il y a un problème. Je me dis, c'est soit t'as un manque de confiance à toi en tant que monteur de bande annonce pour oser mettre des éléments clés pour attirer tes gens. T'as pas besoin de mettre tes scènes de gore pour venir. Attirer ta foule, c'est juste de faire de quoi, je sais pas, de mystérieux, atmosphérique, de quoi qui va venir attirer la foule. Pas besoin de foutre les gros oui. Morceaux. Puis souvent, tu sais, c'est qu'on connaît un peu comment fonctionne la game. Puis, tu sais, on sait que dans les films, il y a des money shots qui appellent. Puis c'est souvent ouais, ça qui est montré dans la bande-annonce. C'est comme, tu fais comme, oh, l'air malade. Puis malheureusement, on dirait qu'à part ces money shots-là, il y en a pas d'autres. C'est pas comme si la bande-annonce faisait comme, non, non, t'as rien vu, on t'a montré. Le plus soft. C'est très rare que la bande-annonce te montre ouais. Le plus soft. Elle te montre ce qui était le plus rentre dedans. Fait que un peu comme les nouveaux Missions Impossibles, parce que tu vas avoir tout le temps dans la bande-annonce la grosse cascade que Tom Cruise va faire, fait, mais t'sais. Tu vois pas la scène au complet. Il te montre 5 secondes, mais souvent la scène dure un long moment, puis c'est comme une mise en bouche. Fait que, au moins, là, c'est déjà plus, ouais. Plus intelligent comme bande-annonce. De toute façon, souvent, elle s'en pochette, cette cascade-là, tellement que c'est elle qui est la plus haute. j'essaie de me rappeler, mais c'est quasiment ça, là. Non, t'as raison. Je veux dire, sur le quatrième Ghost Protocol, c'était ouais. Tom Cruise sur la tour, puis c'est évidemment la scène clé du film. Dans le 5, c'était Tom Cruise sur l'avion. Sur l'avion également. Dans le deuxième, la prochaine... en moto. Ouais. Tu sais, Mané, quand ta bande annonce, c'est ça. C'est rendu trop un élément marketing qui. On dirait qu'il calcule plus. Il calcule juste l'idée que tu vas rentrer dans la salle de cinéma, mais on dirait qu'il essaie plus de ne pas te gâcher ton expérience. On dirait qu'il s'en fout. Si on gâchait ton expérience du film, c'est pas grave. Ben, tu sais, souvent les studios s'en foutent, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre le plus de billets possible, que les gens se déplacent plus. Fait que, tu sais, surtout le premier week-end, c'est comme le moment le plus important. Mais je veux dire, si tu montes tous tes moments clés, il y a des grosses chances que les gens sortent de la salle déçus, puis tes cotes des semaines suivantes risquent de descendre, malheureusement. Fait que, Mais... Le meilleur exemple qui me vient tout le temps en tête pour une très bonne annonce, puis c'est It Come At Night, le teaser. Le premier teaser qu'il y avait eu, c'était seulement la caméra qui se promenait dans les couloirs de la Maison Noire, puis tu avais un genre de monologue sur qu'est-ce qui se passe un peu, puis tu as des images un peu mystérieuses qui apparaissent. Fait que juste là, c'est suffisant pour venir te titiller, puis dire « Hey, ça m'intéresse vraiment », puis il en montre vraiment pas beaucoup. Surtout après ça, quand tu te rends compte que les autres, ils te donnaient plus le feeling que tu allais avoir un monster movie. Tu te rends compte que le film est beaucoup plus fidèle à la première bande-annonce, finalement. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Puis c'est drôle parce que c'est justement les autres bandes-annonces qui créent des déceptions chez les gens qui s'attendaient à avoir un monster movie. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, il n'y a rien, la nuit. Ouais, c'est ça. T'as bien compris. Mais, non, ben, je pense aussi, il y a un phénomène. Ça, c'est ce que j'aime bien, par exemple, que les bandes-annonces vont nous tromper. Là. C'est pas arrivé souvent, mais je pense, exemple, à la bande-annonce du dernier Godzilla, dans la bande-annonce, il y avait des shots que tu aurais dû voir Godzilla, mais il l'avait enlevé. Ouais. Puis là, quand tu arrivais dans le film, tu disais comme « Ah mais voyons donc! On avait vu cette séquence-là dans la bande-annonce, puis Godzilla n'était pas là. » Fait que là, t'es comme « Ah! Ça, c'est débile! » Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la bande-annonce qu'ils avaient faite pour Paranormal Activity 3, où que la plupart des scènes clés qui sont dans la bande-annonce sont modifiées et différentes dans le film. Fait qu'on dirait qu'ils ont juste tourné des scènes pour la bande-annonce, puis je suis comme « Hey, il devrait juste faire ça pour faire des films, tourner des scènes pour la bande-annonce. » Vraiment, vraiment. C'est sûr qu'un drame, c'est pas la même affaire. Là, je m'attends pas à ce qu'un drame va aller tourner une discussion entre deux personnages juste pour la bande-annonce. Mais c'est ça, le suspense, le film d'horreur, la bande-annonce, il faut qu'elle fasse attention. Faut qu'elle fasse attention. Fait que de là, notre idée de ne plus les regarder. Mais j'aimerais ça qu'on regarde, c'est dans la même lignée quand même de ce qu'on disait. Il y a Pat Lirette qui disait et qui nous demande nos plus grandes attentes de l'année. Ben, moi, c'est Héréditaire. Héréditaire, c'est facilement dans mon top 5, mais est-ce que c'est mon numéro 1? Je ne sais pas. Je te dirais que mon numéro 1, c'est Mandy. Avec Nicolas Cage par le réalisateur de Beyond the Black Rainbow. Le film a fait le festival de Sundance ou TIFF, si je ne me trompe pas. Ça a fait un gros buzz de l'équipe de Turbo Kid qui ont été le voir, puis ils l'ont vraiment vanté. Puis pour avoir vu le premier film de ce réalisateur-là, qui est très psychédélique, très visuel, voir un revenge movie avec Nicolas Cage, avec ce gars-là derrière la caméra, ça ne peut qu'être fou, c'est sûr. Okay. Il n'y a pas encore de bonne annonce, mais allez juste voir l'affiche. L'affiche est superbe, puis ça donne déjà une mise en bouche du délai qui vous attend avec ça. Ouais, ben écoute, toi, tu vas me dire que c'est plus une de tes attentes de l'année parce que tu l'as vu, mais il n'est pas sorti encore en DVD Blu-ray. Tu sais lequel que je peux parler? The Endless, le nouveau film des réalisateurs de Resolution et Spring. Ah oui, man, écoute. Hey, t'es chanceux, il reste que trois, on va dire quatre semaines avant qu'il sorte en Blu-ray. Fait que prépare-toi, Sébastien. Ça, c'est dans ma top list. Puis sinon, ben, regarde, je suis peut-être juste un bébé, puis vous allez dire, voyons, t'es bien calé. Mais Jurassic World 2. Je vais être honnête avec toi. Je suis resté hors des bandes annonces avec celui-là. Je me suis dit, gars, j'ai beau pas avoir trippé tant que ça finalement sur Jurassic World. Je vais essayer de me garder à l'abri parce que j'aime beaucoup le réalisateur. Tu sais, c'est celui qui a fait The Orphanage. Ouais. Et quand j'ai été voir un film derrière moi, la bande annonce a joué. Puis j'ai fait, fuck that, je vais l'écouter. Il y a deux choses que j'en ai retirées de cette bande annonce-là. C'est un, le scénario semble pas tant mieux que le premier. Surtout qu'on retrouve les mêmes scénaristes, mais qu'est-ce qui va faire la différence justement, c'est ce réalisateur-là, parce que dans la bande-annonce, c'est une accumulation de plans iconiques que j'ai vraiment trouvé efficace au bout. Vraiment. Il y a vraiment des moments incroyables là-dedans, fait que c'est comme ce qui me motive, mais j'ai encore une crainte qu'on va se faire encore ramasser des dialogues assez pourris, puis... L'idée de ramener les dinosaures sur la terre ferme des civilisations puis d'en faire des armes, ça me plaît. Mais c'est un peu, là. C'est-tu ça encore, là, le scénario? Moi, je ne sais pas. Là. Moi, j'ai tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'ils sauvent les dinosaures parce que le volcan va sauter. Là. ça, mais de ce que j'ai vu dans l'annonce, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils voulaient encore utiliser peut-être les Ouais. dinosaures pour faire ça. Pendant un moment que ça ressemble quasiment à un défilé de mode, mais pour dinosaures, là. Écoute, ah ben t'en as vu plus que moi, je me suis gardé vierge à certains éléments. OK. Ouais, parce que c'est ça. Mais écoute, tu l'as dit, il y a des plans qui ont l'air débiles, là. On parle entre autre de la chambre, de la petite fille dans sa chambre. Que tu fais comme Ouais, mais c'est What là. the fuck? Ça est sorti d'un film d'horreur, cette affaire-là. Il y a l'autre séquence où il y a comme quelque chose dans le couloir, d'un tunnel, puis il y a l'air d'avoir du feu, des explosions, des dinosaures en même temps. T'es comme, what the fuck, c'est over the Parce top, que mais le tu sais. problème, souvent, c'est quand je vais avoir un blockbuster comme ça pour avoir du fun, tu sais, à la limite, si le scénario est mauvais, ça me dérange pas plus si le réalisateur est capable de m'offrir un divertissement de qualité parce que justement, le gars maîtrise tellement la caméra qu'il peut arriver à te faire oublier l'espace des moments iconiques que le scénario laisse à désirer. Puis, sur le premier Jurassic World, Colin, il n'a pas tant que ça. Puis, c'est ça le gros problème. Je suis pas un gros fan de ce réalisateur-là. Puis, quand j'ai su que c'était lui, tu sais, qui allait faire le dernier Star Wars qui n'est plus le cas maintenant, j'ai dit, oh, fuck, man, ça va mal aller. Mais tu sais, je suis content qu'il ait changé de réalisateur. J'aurais aimé qu'il change de scénariste, mais gars, je me dis qu'à la limite, on va juste avoir un meilleur divertissement, Ouais. au moins. Mais ouais, ben oui, puis il y avait juste le premier Jurassic Park qui avait un bon scénario, Steven. C'est ça qu'il faut pas que tu oublies. Ouais. Tu sais, le monde oublie ça, qu'il y avait juste le premier qui avait un bon scénario. Le deuxième, le scénario n'est pas tout le temps en route. Puis le troisième, t'es juste complètement débile. Mais tu sais, en même temps, j'essaie pas de mettre les Jurassic Park sur un piédestal. Tu sais, c'est pas. Tu sais, même le premier Jurassic Park, ça a quand même un bon scénario, mais c'est rien d'extraordinaire. Tu sais, c'est pas non plus du masterpiece. Ça reste du blockbuster. C'est juste que Spielberg Ben, c'est est ça. tellement un as que il arrive à offrir de quoi de vraiment mémorable malgré tout. Mais tu sais, ça, c'est une autre histoire. Je veux dire, c'est un film qui est arrivé à une époque où c'était révolutionnaire, puis tout le monde avait la bouche grande ouverte quand on sortait de la salle du cinéma. Ouais. Fait que, pis sinon, toi, c'est quoi tes autres attentes de l'année? Vite de même, on s'est pas vraiment préparé, mais là je te dirais qu'il y a un qui me pop tout le temps en tête, c'est le remake de Suspiria. Ça, c'est un que j'attends Ouais! énormément. C'est quand déjà? Au mois d'octobre ou septembre, septembre-octobre, Ça dans ce peut, bout-là. il va être à Fantasia? Non, il n'y a rien qui a été confirmé. Non. Moi, je me dis que peut-être qu'il va être à Fantasia. Mettons que Fantasia se devrait de l'avoir. Ouais, mais écoute, je ne veux pas me faire de fausses attentes, mais si Suspiria est à Fantasia, ça va être malade. Oui, vraiment. Ben, écoute, c'est l'année passée qu'il y avait eu le remake, pas le remake, mais le remaster. De Suspiria, oui, en Oui. effet. Ouais, bon, regarde, tu vois, ça ferait 2 années où ce que un des gros éléments, ce serait Suspiria quand même. T'imagines-tu, ça aurait été hot comme double feature. Il aurait attendu au moins un an de plus avec le transfert de synapses, puis faire une soirée avec l'original, puis le remake. Ben, le remake. Moi, je vais pas dire remake, je vais vraiment dire relecture, parce que le réalisateur, il a dit que, à part l'histoire de base, que ça se passe dans une école de ballet, tout va être Ouais. complètement différent. L'ambiance, il n'y aura rien d'identique. Fait que, t'sais, c'est une autre vision. Puis, t'sais, moi, c'est ça que je veux d'un remake. Je veux de quoi de nouveau avec la vision d'un autre réalisateur. Façon, tu sais, même s'il essaye d'imiter Argento, il va juste trop subir la comparaison. Ben, tu vas te tirer dans le pied. Faut pas t'essayer de faire la même chose que le film original, là. C'est surtout avec un film qui a un visuel et une musique qui est tout ça aussi marquant, là, tu sais. Je vais juste penser à la scène quand ils sont tous en train de dormir à la même place, puis t'as la sorcière d'autre bord du rideau qui dort, puis que tout ce que t'as, c'est elle Sur qui un fond ronfle, de tu sais. lumière rouge. Tu sais, t'es Ouais. comme, voyons donc, puis cette scène-là qui dure, puis qui dure, puis qui dure, tu sais. Ben juste Tu peux l'intro. juste pas refaire cette scène-là, tu sais. Tu peux pas Non. juste dire, j'ai refait cette scène-là, mais je vais vous la rendre meilleure. Tu fais, non, regarde, man, essaye même pas, là. Fais autre chose. Non, mais tu sais, le réalisateur est conscient de tout ça, puis tu sais, il le dit, là. Je vais pas essayer de me la jouer Argento, puis de la jouer full artistique, avec des couleurs un peu partout. Lui, il voulait vraiment offrir une expérience très froide, qui allait plus vraiment dans l'horreur psychologique que l'horreur visuelle, là. Fait qu'on va vraiment avoir de quoi de différent, là. Puis ben moi, ben tu me connais là. Quand ils ont annoncé que ce serait Tom York qui allait faire la Ouais. musique, j'étais comme What the fuck? Ben oui, on donc, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, Tom York n'a jamais fait de musique de film. Radiohead ont déjà fait des musiques de film, puis d'autres membres de Radiohead ont fait des musiques de film, mais Thom Yorke en tant que tel, non. Ouais. Fait que c'est ça qui m'intrigue parce que Thom Yorke fait pas du. C'est Goblin qui avait fait Slayer. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, Thom Yorke fait pas du Goblin, fait de l'électrique, là, mais c'est pas. C'est loin de ça. Là. Mais de toute façon, quand tu essaies littéralement de faire un autre film, tu vas pas non plus rechercher une musique qui est dans la tradition des Goblins, parce non. que ça marchera pas. Là. Mais tu sens quand même qu'il est allé chercher quelqu'un qui faisait quelque chose de particulier. Fait que tu vois déjà là, ça sent la direction artistique réfléchie. Ouais. C'est ce que j'ai comme feeling. Mais je suis curieux de voir si le film va vraiment avoir une grosse sortie avec traduction dans toutes les salles ou si ça va être limité, Montréal, puis quelques salles à Québec. Je sais pas. C'est quand même un film qui approche des 3 heures. Fait que, tu sais, on s'entend, là, tu sais, je pense comme 2h35, quelque chose comme ça. Fait que les studios, en 2017, ont eu une très mauvaise expérience des longs films qui dépassaient les 2 heures. Ah ouais, t'as peu. Ben, tu sais, The Mother, qui a quand même pas super bien marché. T'as le film de Gore Verbinski qui se passait dans un asile à Cure for The Wellness. Cure for Wellness, ouais. Ouais, qui durait 2h20. Ça, avec, tu sais, le public, souvent... Je dis ça, mais tu sais, en même temps, ils vont tous voir les Marvel qui dépassent les 2 heures. Fait que, encore là, je pense que c'est peut-être juste dans l'horreur que les gens sont plus difficiles sur la durée aussi. Mm-hmm. Écoute, je fais des segments avec les sujets qu'on nous propose, mais il y a Guillaume Vézeau qui nous demande une analyse du calendrier des sorties cinéma à venir dans l'horreur. Ben, écoute, je trouve ça intéressant. L'affaire, c'est que ça l'aurait pris de la préparation. Sur on est vraiment dans un épisode sur le vif. Là, fait que... Je te lance un peu qu'est-ce qu'il y a qu'on connaît, là, qui est annoncé pour 2018. Et que, tu sais, j'ai pas de grosse de date ou de quoi d'officiel. Là. Fait que, tu sais, là, j'y vais. On y va vraiment là, avec ce qu'on reçoit comme information de l'Internet. Là. On a The First Purge. American Nightmare 4. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a laissé de froid. C'est pas une série que j'aime particulièrement. Puis le pire, c'est que moi puis Marc-Antoine, mon collègue de Science de Mini, le problème qu'on avait avec la trilogie originale, c'était le réalisateur. On trouvait qu'il était pas capable d'installer d'atmosphère, alors qu'il essaye beaucoup, tu sais. Il essayait de la jouer Carpenter dans le deuxième Purge. Fait qu'on se disait, il faudrait juste foutre un autre réalisateur plus talentueux, puis je pense qu'on pourrait avoir de quoi de mieux. Puis c'est ce qui est arrivé avec celui-là, mais tu vois, ben non, c'était comme, ouais, ben finalement, ça revient du pareil au même, je pense. Qui ont mis Gérard McMurray, qu'est-ce qu'il fait? Je le connais pas, je pense que c'est... Ok, ils ont juste, ok, je veux juste dire qu'ils ont pitché quelqu'un d'autre. Ouais, non, c'est ça. Il aurait peut-être fallu aller fouiller avec quelqu'un qui a plus d'expérience, là, ça... Mais en même temps, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui voulaient réellement faire ça, là? Non, pas vraiment. Tu sais, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'air vraiment à vouloir y aller Donald Trump par fond. Avec certaines images, la casquette rouge, Make America Great Again, mais avec First Purge écrit dessus. Ben écoute, en même temps, je pense que depuis l'élection de Donald Trump, on a eu beaucoup de films d'horreur post-Trump, justement, qui ont dénoncé et qui avaient des choses à dire. Fait que rendu là, si t'as vraiment de quoi à rajouter qui peut être pertinent, ben vas-y, mais j'ai pas l'impression que ça va être peaufiné comme non, ça avec le dernier Purge. Slenderman, écoute, je sais pas. Plusieurs années en retard. Moi, ouais, c'est vrai. Ce qui me vient en tête. Je dis que j'ai pas vu de bande-annonce, mais celle-là, je l'ai vue, puis vraiment, j'avais l'impression de voir une vieille bande-annonce du G-Horror de 2002. Ah là. Ouais. C'est okay. Comme, tu me l'as pas vendu pendant tout ton film. Ben, The Nun. On verra, spin-off. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé le dernier Annabelle, fait qu'on pourrait peut-être avoir une surprise. C'est qui l'a réalisé, celui-là? Je sais plus. Vite de même, je vais essayer de nous trouver le nom, là, excuse. On est vraiment... Corinne Hardy, qui aurait fait Le Sanctuaire. C'est, à taper Le Sanctuaire, c'est pas Le Sanctuaire, là, Simonac, comment ça s'appelle? C'est, si je vois la pochette, de Hallow, H-A-L-L-O-W. Ok, c'est le film avec l'arbre puis les créatures. On a fait la même. J'ai beaucoup aimé ça. Fait que c'est un réalisateur talentueux, justement. Fait que ça pourrait peut-être être intéressant. Prédateur, ben, c'est plus que tel. Shane Black, j'ai rien d'autre à dire. Oh, ah, c'est Shane Black qui... Ben oui, c'est vrai, ben oui. Shane Black, je veux dire. Puis c'est plate parce que, tu sais, la bande-annonce est sortie. Puis là, j'ai vu plein de monde commencer à bâcher déjà d'avance le film. Oui. Moi, je suis positif. Shane Black n'a rien fait de mauvais. Il a joué en plus dans le premier Predator. Puis j'aime beaucoup son style. C'est un gars qui a tendance à jouer avec les conventions puis les codes. Fait que je me dis que ça risque de sortir de l'ordinaire. Puis on n'aura pas. De toute façon, ça peut pas être pire que AVP. Je ça peut pas être pire que Bane et les autres Predator. The House with a Clock in its Walls. Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas plus checké. C'est pas le film de Lyra? Non, c'est Lyra. Ah, ok, non, oui, là, c'est tu penses The House de Shows Build. Ouais, c'est le film de Disney. Écoute, je sais pas. Je sais pas du tout. Qui ressemble à du Tim Burton, là, dans le fond. Ouais, ça fait un peu penser à ça. Ben, on a le nouveau Halloween. Je sais pas. Supposément que les premiers visionnements étaient pas bons. Ouais, étaient désastreux. Mais que c'était pas si bien que ça. Puis que, finalement, apparemment que c'était pas vrai, parce que John Carpenter disait qu'il n'y avait pas eu de premier visionnement, mais finalement, de mars, Jason Blum il avait dit que lui avait assisté puis il disait que c'était prometteur. Fait que t'étais comme OK. Ouais, c'est ça, là. Fait que je sais plus. Moi, c'est pas dans mes grosses attentes. Je pense que c'est comme le gros film horrifique auprès du grand public qui va se faire le plus parler cette année, probablement. Je suis curieux. Je sais pas s'il y a vraiment une bonne volonté derrière ce film-là ou c'est vraiment une question que le chèque est bon. Parce que Jamie Curtis elle a dit qu'elle voulait plus rien savoir de Halloween. Fait que, est-ce que c'est parce qu'elle a vraiment apprécié le scénario ou parce que le chèque justement était bon? Okay. Écoute, il y avait l'autre qui disait qu'il faisait comme Disney, là, mais là je viens de voir dans la liste 12 octobre, deuxième Goosebumps. Ouais, est-ce que ça va vraiment sortir là? Je sais pas, il n'y a pas eu rien encore. Non, ok. Peut-être que ça va être un peu plus en 2019. Écoute, parce que là, je vois première sortie 12 octobre 2018. Écoute, mais là, c'est out of nowhere. On n'a rien. C'est peut-être à dire, mais tu sais, à part Hereditary, puis à la limite Suspiria, c'est vraiment une grosse sortie. Je crois que les meilleurs films horrifiques qu'on va avoir cette année, ça va être auprès des VOD puis des Direct ou Blu-ray DVD parce que... Écoute, moi, tu sais, on est supposé faire un tour de table. Là. On est supposé parler d'une couple de films d'horreur. Tu sais, j'ai inclus quelques nouveautés, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai vu cette année à date? Ça fait dur. À date, mon année 2018 en termes de films d'horreur est pourrie. Est pourri, puis ça décolle pas. Fait que là, je me dis qu'avec le Fantasia, puis le mois de juin, avec les meilleurs films qui décollent, puis justement Hereditary, je me dis, enfin, là, on peut-tu enfin finalement avoir une claque? Là? Ça risque d'être cool, parce que j'ai eu beaucoup de déceptions à date, puis de films mauvais, corrects, à la limite. Puis c'est chiant, parce que 2017, ça a été fort. Ouais, fait que là, 2018, ça décolle pas. Non, c'est ça, puis ça décolle même pas côté blockbuster, on dirait. Non, ben, c'est vrai, mais tu sais, je regarde ce qui sort cet été en termes de blockbuster, puis je me dis, crime, je suis content que Mission Impossible va être là, parce que il n'y a pas grand-chose qui vient me titiller. Non, moi, écoute, c'est Jurassic World 2, rien pas tout, là. Sinon, j'essaie d'y aller avec des questions qu'on n'avait jamais répondu. Quelqu'un qui a écrit à Serbian Film, on ne va jamais de ce film-là ici. Je pense qu'on a fait le tour. Là. Je veux dire, ce film-là est tout le temps dans tous les groupes horrifiques en voulant parler du film le plus gore, le plus choquant. Mais je pense que c'était plus un troll qu'autre chose parce qu'il nous a posé tout de suite une question après. Là. Okay. c'est Sébastien Mondeau qui dit « Qu'est-ce qui est le plus horrible, ce qu'on voit ou ce qu'on laisse aller à l'imagination? » C'est subjectif. Moi, j'y vais avec l'imagination. Mais écoute, c'est toujours ça parce que combien de fois que c'est arrivé que dans un film, tu fais « Oh yes, oh yes, oh yes », puis que dès que tu vois un petit peu trop, tu fais « Urk ». Je pense à... je l'avais en tête tantôt. Oh shit. Je pense à « In the Mouth of Madness ». Ouais. Où ce que tout le long, le film était cœur. Moi, ce film-là, c'est un de mes préférés de Carpenter. Puis, quand il monte un petit peu trop des bobites, là, tu fais « Ouf ». Laisse faire, t'étais pas obligé de nous montrer des bobites. Je te dirais que ça fait un de ceux qui arrivent à bien mélanger entre ce qui est imaginaire et ce qui est visuel. Puis je trouve que John Carpenter, justement, c'est un as de la caméra. Fait que il les moments qui montent ces créatures, quand je l'ai vu plus jeune, j'étais honnêtement terrifié. Fait que j'étais terrifié par le fait de m'imaginer une ville fantôme, qu'est-ce qui pouvait avoir laissé une traînée de sang dans le parc. J'arrivais à me faire mes propres scènes d'horreur, mais quand il me montrait, exemple, la grand-mère avec les tentacules puis la hache dans le sous-sol, ça m'a marqué la mémoire visuellement. Ouais. Fait que, Oui, mais tu sais, quand on le regarde, on fait, ouais, non, finalement, c'était pas super bon, mais il était creepy jusqu'à ce moment-là, tu sais. Moi, j'ai trouvé. Puis, tu sais, je me souviens, sinon, le couloir avec toutes les bébêtes qui courent après Sam Neill, t'es comme, oh mon Dieu, il y a beaucoup trop de caoutchouc là-dedans. Tu sais, t'es quasiment rendu à 10 minutes avant la fin de ton film, là. Laisse faire, tu me les montres pour 5 secondes, c'est trop. Ben, je trouve que c'est pas mal le meilleur moyen en tant que tel, t'sais. Je préfère que tu me fasses durer un genre de suspense sur à quoi ressemblent tes créatures sur toute la durée, puis à la fin, t'sais, tu nous le dévoiles. C'est un peu comme ce que Spielberg a fait avec Jaws le requin, même si c'était pas volontaire au début, ou même Prédateur avec de John McTiernan. T'sais, je veux dire, le fait qu'il attende à la fin pour nous dévoiler son visage, c'est écœurant. Fait que t'sais, tu arrives à créer un build-up si ta créature est réussie et est à la hauteur du build-up, parce que t'écoutes un film comme Boogeyman, justement, à l'époque, Ah, man, ça, finalement, il c'est décide de te épouvantable. montrer ça à la fin. Écoute, t'as du CGI à la PlayStation 1, c'était pas nécessaire. Ah, oh, man, je me souviens là, que ce film-là, tout le long, j'étais comme, c'est vraiment pas mauvais, c'est Non, vraiment c'est pas si terrible. pire, c'était pas si pire que ça. Puis là, ça arrive, tu sais, oh, tabarnak, qu'est-ce que t'as pensé? À quoi t'as pensé? Tu sais, ah, oh, non, c'est épouvantable. Mais encore là, tu sais, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont pas trop réceptifs sur l'imagination. Eux, ils préfèrent voir quelque chose. Fait que c'est pour ça que beaucoup s'emmerdent devant Blair Witch. Mais moi, le projet Blair, c'est un film qui m'a terrifié dès le départ à sa sortie des années 90. Puis aujourd'hui, ça me terrifie encore parce que justement, l'immersion puis l'imagination est tellement forte avec ce film-là que j'arrive à me faire mes propres moments d'horreur, là. Oui, parce que ben, tu vois, on va repenser à c'est Willow Creek Willow Creek, moi, qui reprenait cette formule-là, tu qui sais. reprenait puis qui le reprenait très bien, tu sais. Puis justement, Willow Creek, cette scène-là est beaucoup plus efficace que ces dernières images que t'es comme ah ouais. Mais à la limite, au moins, il en montre pas trop encore Non, c'est à ça. la fin. Fait que c'est pas Tandis si que j'ai oublié le film qui est quasiment sorti en même temps. Mais qui lui en montrait beaucoup trop, qui était avec la même thématique. Est-ce que c'était quoi? C'est-tu de Frankenstein Theory? Non, non, non, Un c'était pas un. found footage? C'était pas un found footage, mais c'était avec la même thématique de Bigfoot. Oui, c'était un found footage, mais avec le Bigfoot, mais la caméra était peut-être trop bien placée pour on le voyait tout le temps. Est-ce que c'était quoi? Ah, ok, oui, c'est par le justement, c'est par le réalisateur de Blair Witch Project. C'était. Ah, God! J'ai complètement oublié le nom, mais. Ça peut, là, ça me gosse trop, là, mais tu vois ce que je veux dire, là? Oui, je m'en souviens, mais je l'ai pas vu celui-là. C'était Mais je me rappelle qu'elle Exist! existe, c'est ça. Ah, God, tu sais, t'étais comme, ben, voyons, tu me niaises-tu, tu sais, tout le temps trop bien placé, là, ça arrête plus, là. Ah, c'était. Mais tu sais, on parle de visuel, puis je crois que tu sais, le réalisateur de Hereditary va beaucoup miser sur le visuel, mais j'ai l'impression que lui, ça va frapper dedans, justement. Mais, ben, tu sais, t'as le visuel qui crée des images fortes. Et t'as le visuel qui essaie de te faire peur. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. je comprends. Je vais penser, regarde, on regarde l'exemple de In the Mouth of Madness. Le putain de bonhomme en basic. Tu sais, tout le Le monde. vieillard qui a Ouais, traumatisé, tu sais. tu sais, je veux dire, tout le monde pense à lui. C'est pas une image effrayante, mais c'est une image forte qui reste là, tu sais. Fait que En même oui, ça, c'est solide. c'est une job de réalisateur. Je veux dire, Oui. si ton réalisateur est assez talentueux pour faire de quoi avec ça, c'est clair que ça va te marquer. Mais tu mets ça Oui. entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas trop comment réaliser ça, tu te retrouves avec une scène d'horreur tout croche, là. Tu sais, où, tu sais, on pense, là, j'ai des films qui sortent en tête, là, mais tu sais, je pense au remake d'Evil Dead, on dira ce qu'on voudra, là. Il a quand même lui aussi réussi à créer des images qu'on est capable de se rappeler, là. T'sais. Honnêtement, l'image de Emma, si je ne me trompe pas de son nom, qui se coupe la langue avec Ouais. un exalto, je veux dire, c'est une des images qui va me rester en tête, malgré que ce n'est Oui. pas un film parfait. Je trouve que c'est un remake qui avait des bonnes idées puis Je me rappelle de. qui est quand même satisfaisant. Je me rappelle la scène où ils s'en vont, ils veulent pogner le pont, puis finalement le pont est détruit, puis le gars il est comme dans le char pour réaliser ça, puis quand il se retourne vers le char, il voit dans le char qu'elle la regarde avec le grand sourire, puis comme en train de rire, et tout, t'es comme. Ah, c'est que c'est freak. Tu sais, il y avait. Autant, tu sais, nécessairement, c'est pas des images qui sont là pour te faire peur, mais que comme tu dis, son réalisateur, il avait la bonne idée, puis il utilisait bien sa caméra, son éclairage, ses interprètes. Mais tout est là, tu sais. Non, exact. Puis c'est pas obligé de nécessairement toujours faire peur, mais ça va marquer. Fait que. pense qu'il y a des films qui vont mériter de montrer beaucoup, puis il y en a d'autres qui vont mériter de montrer jamais, jamais, jamais. Je pense pas qu'il faut dire un ou l'autre. Moi, c'est deux médiums qui me plaît. Tout va dépendre de comment ça va être exécuté. Ouais. Sinon, écoute, j'y vais. Je vais avec une dernière question. Puis c'est vraiment, écoute, c'est de l'actualité cette fois-ci, Anand. Je suis pas trop au courant du dossier, mais on est capable d'en genre pareil. Les séries Tremors puis Chucky qui font le saut sur tout écran. Mais bon, Tremors, on sait que ça a été cancellé. Mais malheureusement. Bon, ouais. Je vais le dire tout de suite. Moi, j'avais Tremors 6 dans les films que j'allais discuter parce que j'essaie de remplir ma liste. Et je reviens pas qu'un film comme ça sorte, qui est quand même une bonne distribution, pareil, puis que Michael Cross a déjà dit que le 7e était pratiquement en chantier, mais qu'on annule la série avec Kevin Bacon, que j'ai juste vu le trailer, qui est beaucoup plus fidèle au premier film, qu'on retrouve un peu la même atmosphère. Puis tu sais, il y a vraiment un travail à essayer de créer de quoi d'horrifique, avec des scènes de suspense, avec quelques clins d'œil, tandis que tu écoutes les derniers films, le 6e, là, c'est atroce. C'est vraiment production de sci-fi. Ça essaie d'être drôle, ça essaie d'être une série à la H versus Evil Dead, mais ça se plante solidement, ça fait dur, puis c'est pénible à regarder, puis... C'est dommage parce que j'avais zéro attente pour la série. Puis quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai comme fait « Merde, j'aurais voulu voir ça à la place qu'un 7e Tremors dans c'est deux sûr. Ans, mettons. » C'est sûr. Mais tu sais, T'as sûrement arrêté depuis longtemps, toi, de toute façon. De? Ah oui, Tremors, la série, mon Dieu, oui. Arrêté. Mais tu sais, c'est le genre de truc que... je comprends pas. Là. Comme tu dis, on en fait un 7e, puis là, on décide d'y aller avec... de la description semi-originale, en tout cas, tu sais, Kevin Bacon qui embarque dans le thrill, tu fais, ben voyons donc, c'est sûr, certain que c'est cané, c'est un hit, là. Ouais. Ben non, voyons donc, que c'est ça, pourquoi vous lâchez ça? Puis, il y a comme rien, genre, en tout cas, j'essaie, je suis peut-être pas au courant de toutes les séries télé qui sortent, là, mais on n'est pas en train de jouer dans le créneau de personne, je trouve, avec ça. Pas tant que ça, tu sais, je veux dire, les zombies étaient très à la mode à la télé, ça commence à s'essouffler. Fait que de quoi avec des créatures, ça pourrait être intéressant, mais en fait j'ai beau critiquer le fait que les derniers Tremors semblent être des productions poches de sci-fi, c'est sci-fi qui allait produire la série. Je trouve qu'elle n'avait pas le visuel et le style qu'on est habitué avec eux, mais ils ont tendance à backer ou à annuler. Tu sais, il y a une série qui a vraiment... passer un peu dans le bar, je sais pas si t'as entendu parler, c'était Blood Drive ou quelque chose comme ça, par rapport à une voiture qu'une fille nourrit avec des morceaux de corps humain. C'était très gore, c'était très grindhouse comme série. J'ai juste vu un extrait que j'ai trouvé vraiment cool, puis j'ai pas eu la chance de la voir, mais j'ai entendu des bonnes choses, puis ça a été cancellé direct après, parce que j'imagine les codes d'écoute étaient juste pas là, mais je trouve ça plat. T'sais, au lieu de voir un Z Nation... qui est un genre de rip-off de Walking Dead, mais plus axé sur le gore. J'aurais aimé ça peut-être tenter le coup. Tu sais, à la limite, faites jouer le pilot à la télé avec un autre épisode pour voir un peu si la réception est bonne. Et oui, sinon, la série de Chucky, moi, je pense que ça pourrait être notre nouveau Ash vs. Evil Dead. Ça pourrait, mais encore là, ça va dépendre des gens qui ont embarqué ou non dans le dernier volet. Et moi, j'ai eu beaucoup de fun alors que je m'attendais peut-être à ce quoi l'ordinaire. Toi, puis moi, on a très. Je pensais que j'avais pas trippé, puis avec le recul, j'ai aimé ça. Là. Mais, tu sais, je pense que c'était le genre de truc qui pouvait aller dans la folie de on se lance une série télé, puis on y va avec des trucs courts et amusants. Tu sais. On s'entend-tu que, tu sais, rendu au 7e volet, tu sais, je pense que c'était le 7e, le dernier Chucky, puis je veux dire, crime Chucky 7, là, dit de même, ça semble niaiseux, mais c'est quand même surprenant qu'une série avec une poupée tueuse arrive encore à se renouveler, rendu en 2007, puis à offrir de quoi de rafraîchissant, le fun, puis tu sais, oui, la formule a changé, mais on en a besoin. Je veux dire, Chucky 1, c'est avant. Fait que, tu sais, je veux pas retrouver un pseudo-remake de Chucky 1. Puis on l'a eu avec lui d'avant, dans La fée en chaise roulante, où ça misait plus sur un suspense à la Hitchcock avec Chucky. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il l'est pas? Puis... dans sa tête, puis bon. Fait que je sais pas, moi j'ai juste zéro attente, fait que je suis prenant pour voir ce que ça va donner, puis si c'est bon, tant mieux, si ça l'est pas, c'est pas grave, on va passer à autre chose. De toute façon, c'est des séries télé, on les écoutera pas. Surtout moi, hein? Moi, à chaque fois que j'ajoute une nouvelle saison, c'est comme « Ah, Steven, une autre saison, t'écouteras pas. » Je m'améliore, Sébastien. J'arrive à finir mes saisons derrière moi. Ouais, oublie ça. Moi, j'ai zéro pin barre. mais non, ben écoute, parlant de séries de télé, ça, c'était un des trucs que je voulais jaser. Puis de toute façon, on a fini les questions, fait que je vais m'aligner avec ça. J'ai écouté la série sur Netflix en 4 épisodes. C'est pas très horreur, mais c'est produit par les frères Duplass. Puis j'ai loupé ça, moi qui étais un fan des frères Duplass. Ouais, c'est une série documentaire qui s'appelle Evil Genius. Génie du mal en français. J'en ai entendu parler un peu partout, mais j'avais aucune idée que c'était les frères Duplass. Ouais, au début, j'ai comme fait le saut. J'ai fait, rien d'autre, les frères Duplass, c'est bien drôle. Mais tu sais, je m'attendais à les voir ou quoi que ce soit, mais non, ils ont juste produit. Okay. Puis c'est ça, ça raconte l'histoire vraie d'un vol de banque qui est arrivé au début des années 2000 et qui est complètement tordu. Mais tordu, tu es tordu. Écoute, je vous résume les 10 premières minutes. Okay? Je vole pas de punch. Ça, c'est sous forme de documentaire que c'est documentaire, fait, aucune reconstitution. Okay. Que des images de caméras de sécurité, les nouvelles de l'époque, des vidéos fournies par la police, puis des trucs comme ça. Là. Okay. Rien des entrevues en prison et patati patata. Et c'est ça, c'est un gars qui se présente d'une banque avec trois feuilles de papier, puis il dit, il fait un hold-up, c'est dans les feuilles de papier, c'est écrit, j'ai une bombe autour du cou, vous me devez me donner le contenu du tiroir caisse, parce que je dois m'en débarrasser avant une heure, sinon on va exploser. Je suis un otage. Et là, la femme lui donne l'argent, il sort, mais il se fait pogner par la police. Et la police font comme, il y a une bombe autour du cou, il faut faire venir les artificiers, et les artificiers n'arrivent pas. Et ça pète. Et c'est vrai. C'est une histoire vraie. Et là, tu fais l'enquête de, voyons donc, le gars avait une bombe autour du cou. Écoute, c'est avec un gros collier à la Jigsaw, là, tu sais, là, décalant. Battle Royale aussi, là. Ah, ça Battle Royale style, là, que ça, les jeunes qui ont un collier autour du cou sur l'île. Ouais. Mais tu me racontes l'histoire, là. Ça se peut-tu que le film avec Jesse Eisenberg, ou que c'est un livreur de pizza, puis qui se fait mettre un collier autour du cou? Ben écoute, le gars, c'est un livreur de pizza. Je me rappelle quand ce film est sorti, ça disait que c'était tiré d'un fait vécu. Fait que je crois que c'est la même histoire. Ben oui, t'as peu, là. Oui, ben écoute, le gars dans l'histoire, c'est un livreur de pizza, tout ça. Hein, okay, c'est sûr que c'est ça. Écoute. C'est moi qui. Là, on sonne comme des amateurs. Là. Moi, je n'ai pas écouté Evil Genius, fait que j'ai aucune idée, mais ça me rappelle beaucoup ça. C'est bien drôle. J'essaye là de voir. De trouver ton truc là avec Jesse Eisenberg. Là. Je pense que c'est 13 minutes. Je vois 30 minutes maximum. Ouais, c'est ça. 30 minutes maximum. Ouais, écoute. Modifié peut-être. Là, oui, mais... oui. Oh, okay. Oui, écoute. De ce que je veux. Juste avec la pochette, je sais que c'est pas ça. Mais oui, basé librement. C'est une histoire vraie. Mais c'est ça. Puis là, ben écoute, après ça, tu suis l'enquête. Et écoute, ce n'est pas le seul meurtre, ce n'est pas la seule personne qui va mourir. Et c'est bizarre. C'est 4 épisodes, 1 heure. C'est solide. Ça m'a pris 2 jours. J'étais accro. Le lendemain, j'avais juste hâte de pouvoir continuer à l'écouter. C'est vraiment, vraiment bon. Sur Netflix. C'est ça. C'est, tu me donnes envie. Ouais, c'est ça. Ça implique rien, ça implique pas un paquet de votre temps, là, puis vous allez avoir une histoire, what the fuck, parce que vous allez vraiment vous dire à quel moment est-ce que c'est pas vrai, mais ça n'est que vrai, c'est vrai tout le long, puis t'es comme, ben oui, on dirait qu'il y en a qui ont écouté des cadences. fait que c'est ça. Alors, ouais, Evil Genius que je voulais vous jaser, mais toi, tu voulais nous jaser de quoi? Ben écoute, avant de... Ben, pour rester dans ta thématique, j'ai envie de parler vite d'une série aussi. Vas-y. Que j'ai pas terminé, il me reste 2 épisodes, mais ça s'appelle The Sinner. C'est avec Jessica Biel Ouais, tu m'avais dit qu'il fallait absolument que j'achète ça. et Bill Pullman, ben, acheter, voir, en tout cas, un des deux. Mais je vais en parler là pour la simple raison qu'elle commence sur addict.tv. C'est sûr que je suggère de la voir en anglais parce que c'est toujours meilleur, mais bon, si c'est le seul moyen que vous avez de la voir, allez-y. Je vais essayer de rester vague parce que c'est une série qui mise tout le temps sur l'effet de surprise par épisode. Puis à chaque fois que tu t'attends à ce que ça aille dans une direction, ça te prend un contre-pied, puis ça va ailleurs, ça va ailleurs, ça va ailleurs. Puis ça raconte l'histoire de Jessica Biel, qui est une mère tout à fait normale d'une famille. Elle a un enfant, son mari, et une bonne journée, il décide d'aller à la plage, passer une petite journée bien tranquille. Et il va y avoir un groupe de jeunes en avant qui passent du beau temps, qui s'amusent, et à un moment donné, le gars va juste partir sa radio avec une chanson. Et tout d'un coup, ça va bousculer Jessica Biel à cause de cette chanson-là, et elle va faire, je devrais dire, elle va commettre quelque chose de très violent. Elle va vraiment agir de façon très violente, ce qui va entraîner une grosse tragédie. Elle va se faire arrêter et personne ne comprend ce qui s'est passé. Même elle, dans sa tête, c'est un blackout. Elle ne comprend pas ce qui est arrivé. Et tu as le personnage détective joué par Bill Pullman qui va vouloir l'aider, qui va être fasciné et obsédé par ce cas-là. Et tout le long, c'est Bill Pullman qui essaie d'enquêter, puis en même temps, il essaie de retrouver des bouts de mémoire de Jessica Biel qui se rappelle pas trop. Est-ce que ça a rapport avec son enfance, son passé? Et ça joue vraiment dans de quoi de très tordu, c'est sombre. C'est produit par Jessica Biel, puis elle est écœurante. Honnêtement, là, c'est peut-être une actrice qu'on n'a pas beaucoup parlé. On l'a vu souvent dans des films d'horreur. T'sais, on l'a pour la plupart connue avec le remake de Texas Chainsaw Massacre. Ouais. Mais là-dedans, elle m'a sidéré. Je suis subjugué à chaque moment avec elle, mais je suis aussi en amour avec Bill Pullman, qui joue un vieux policier qui est torturé mentalement, qui semble un peu dépravé, puis il y a une certaine connexion avec le personnage de Jessica. Fait que tu arrives à voir la connexion avec ces deux-là, je trouve ça fascinant. Et comme je dis, c'est une série qui arrête pas de jouer sur l'effet de surprise. À toutes les fois, tu dis, gars, je connais le pattern, j'en ai vu, je sais que ça va être ça, puis finalement, t'es comme, what the fuck, c'est pas ça pantoute. C'est étalé Okay. sur 8 épisodes, fait que, tu sais, ça s'écoute assez bien. Reste à savoir si la finale est à la hauteur, j'ai aucune idée, mais tu sais, de ce que j'ai vu globalement, la série est très bien reçue, gros pourcentage sur Rotten Tomatoes, mais elle passe dans le beurre. Je sais pas pourquoi. C'est dommage. Le film, la série a fait un petit buzz à l'époque lorsque l'épisode 1 jouait à la télé parce que, comme je dis, c'est très graphique qu'est-ce qui arrive. Fait que ça marque. Mais après ça, je sais pas. J'ai l'impression que ça va passer dans le beurre. Puis il y a une saison 2 qui commence dans pas long. Et je crois que ça va être un cas différent à chaque fois. J'ai pas l'impression que ça va continuer avec tous les personnages de ceux-là. Fait que ça va faire un peu comme American Horror Story. On va partir avec d'autres histoires. Okay. Fait que. Je suis curieux, mais sinon, je vous conseille fortement la saison 1. Je trouve que les gens n'en parlent pas vraiment cette année et c'est une des très, très bonnes séries que j'ai vues à date. Oui, je ne suis pas une référence, je n'écoute pas tant que ça, j'écoute plus de films, mais c'est vraiment une belle claque. La preuve que tu n'es pas vraiment une référence, écoute, je pense que tu m'as parlé l'année passée d'écouter The Sinner. Tu m'as dit, Non, oui. j'ai pas acheté ça l'année passée, c'est pas vrai Le ça. premier épisode, ça fait vraiment longtemps que tu l'as vu, là, que tu m'as dit, Sébastien, il faut absolument que tu écoutes ça. Je viens d'écouter le premier épisode de The Sinner, c'est complètement débile. 3 mois, Trois pas mois. plus. Trois Écoute, mois. 3 mois pour une série de 8 épisodes. Il t'en reste deux. Il t'en reste deux. Ouais, mais C'est quand écoute, même c'est pas quoi pire. l'affaire? Le problème dans tout ça, c'est quand tu décides d'écouter une série avec ta blonde, t'as pas le choix de la suivre, de l'attendre. Mais. Puis nos horaires concordent tellement pas que oui, les séries que j'écoute tout ça, je les dévore, mais celle-là, j'ai pas le choix d'attendre. Non, je te comprends, écoute, c'est. C'est difficile. Ouais. J'ai le goût qu'on passe un petit peu en musique, qu'on prenne un petit break. Oui. C'est toi qui nous as choisi la musique aujourd'hui, Steven. Oui, puis c'est le fun parce que d'habitude, on pense jamais d'avance, puis on arrive en plein épisode. Est-ce qu'on écoute quoi, là? Je vais être des choix personnels, des chansons que j'écoute beaucoup dans ma liste de 2018. Fait que le premier est très facile, c'est très commercial. Je veux dire, la plupart des gens dans le rock metal connaissent déjà de groupes, dont toi, Seb, mais j'y vais avec le premier single de Ghost qui s'appelle Rats. Le nouveau. Refrain super catchy, ça reste en tête. Puis l'autre album de Ghost qui était sorti il y a 2-3 ans, je l'ai dévoré. Il a tourné en boucle durant tout l'été. Fait que celui-là s'annonce encore une fois mémorable. Fait que allez écouter Rats, c'est hot. Je l'ai pas encore écouté, on va voir ça. Non, on va pas le voir, on va l'écouter. Je suis inquiet. Je couperai quand t'en parles. Non, non, coupe pas ça, c'est trop bon. Continuité de tour de table et de discussion, ma foi, très libre. Et Steven, avant qu'on continue, je voulais qu'on prenne le temps de vraiment remercier le monde qui nous encourage puis qui nous tienne compagnie depuis longtemps parce que d'habitude, là, j'aurais mis le petit segment qui dit hey, comment on fait pour encourager Horror Gamer? Ah, c'est super simple, blablabla. Là, j'avais le goût de le faire plus live parce que. Cette semaine, j'ai comme eu un courriel d'Amazon qui me dit, hey, voilà, vous avez reçu tant de dollars parce que des gens ont acheté par vos liens. Puis là, j'étais comme, ah ouais? Puis je suis comme allé vous voir, toi, JF, puis Vicky, pour dire, c'est-tu vous autres qui achetez sur nos liens? Les trois, vous avez dit non. Puis toi qui devrais tout le temps être en train d'acheter sur nos liens sur Amazon parce J'y que pense jamais. tu n'y penses jamais. Puis là, écoute, j'étais. Je dirais pas combien parce que ça a pas d'importance. Il y a quand même beaucoup de monde qui utilise nos liens. Puis ça, je trippe. Parce que, tu sais, quand on fait ce petit message-là, puis qu'on le drop, c'est comme facile. C'est comme on écœure le monde, puis le monde va faire comme, oui, ta gueule. Mais bon, tard, ça veut dire qu'il y en a qui prennent la peine de le faire. Puis merci, sérieusement, c'est pas grand-chose. Puis, tu sais, ce que vous savez pas, c'est que l'argent qu'on reçoit d'Amazon, c'est pas vraiment de l'argent, c'est des certificats cadeaux Amazon qu'on reçoit quand vous passez par le lien. Donc, on peut pas aller se mettre ça dans les poches, mais on va pas s'acheter des films pour nous autres. On s'en sert pour vous faire des cadeaux puis Des des concours. concours. La dernière fois, c'est quoi qu'on avait fait tirer le. Le Creep Show de Arrow, Creep Show Ouais. 2, tu sais, méchant belle édition, puis crime, c'est grâce à vous si on peut faire des Ouais. concours avec des éditions comme ça. C'est ça, c'est débile, tu sais. Puis, les 5 étoiles sur iTunes, ça prend pas trop de temps, mais ça vaut son pesant d'or parce que ça nous fait monter dans les ratings d'iTunes. Puis quand quelqu'un va voir les nouveautés de la semaine ou les nouveautés du moment, ben, on est là, tu sais. Fait que ça fait en sorte que ça nous fait C'est juste le découvrir fun. par nous. Ouais, C'est c'est juste le ça, fun. tu sais. Puis, quand vous voyez les épisodes passer, puis tout ça, puis que vous likez ou que vous partagez, ça aide énormément. Parce qu'en plus, là, on est un peu tard pour en parler, là, mais ça fait un petit bout que c'est arrivé tout ça, là. Mais Facebook a tellement changé son algorithme, c'est débile. Vous avez aucune idée à quel point que nos épisodes ne sont plus vus. Dans le sens que quand on pose qu'un nouvel épisode est sorti, sur Facebook, il n'y a plus personne qui le voit parce que l'algorithme est Faudrait là. quasiment payer à chaque fois pour faire de la publicité pour tous les Ben, épisodes, écoute, t'sais. avec le Patreon, on avait un peu de sous pour faire ça. Puis, je prenais un petit 2-3 $ pour le faire. Je pense que vous autres aussi, avec Sœur Sandrine, Dominique, vous ouais. faites un petit peu, tu sais. Puis, j'ai regardé les stats que ça donne. Puis, ça donne même plus rien, ça. Faudrait vraiment, là, je dirais, là, mettre des 20-30 $ par show. Ça n'arrête plus de bon sens. Tu sais, avant, là, avec un 3-4 $, on était capable d'aller se chercher vraiment un beau petit boost. Puis, ça vaut plus rien. Fait que, ce qui est rendu qui vaut quelque chose, c'est vous autres. C'est les interactions que vous faites avec nous autres, c'est les partages que vous faites. C'est ça qui vaut vraiment la peine. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on fait plus de concours, mais je travaille avec les studios, les distributeurs pour nous donner du stock. Mais au moins, tu sais, c'est encore ces publications-là qui pognent le plus. On aimerait ça que ce soit les publications du podcast qui pognent le plus. Mais il ne faut pas se leurrer qu'un concours est beaucoup plus partagé que le podcast. Mais bon, si le concours nous a Mais c'est donné depuis le normal, je veux dire. début, je pense qu'on est facilement allé chercher 300-400 membres sur Facebook juste avec les concours. Puis En même temps, on n'essaye ça en pas valait la vraiment de peine. faire du clickbait. On n'est pas comme ça. Non, vraiment Le pas. but premier, c'est pas de chercher du clic. T'sais. Oui, les concours, ça m'attire, mais en même temps, c'est pour faire plaisir aux gens. Je veux dire, moi, quand on fait un concours avec une édition d'un film, je suis juste content de voir qui va gagner, puis je trouve ça vraiment le fun. C'est ça, puis tu sais, je veux dire, nos critiques, à aucun moment, on va vous écrire, Sébastien a vu le dernier, blablabla, et son commentaire final va vous surprendre, tu sais, mais, tu dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il écrit, tu sais, puis bon, puis Pas bon, finalement, il a est-ce-tu? écrit, quand j'ai écouté ce film-là, j'avais pas de bobette, puis, oh, surprenant, non, c'est pas surprenant, Excusez-moi. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toutes ces choses-là qui valent la peine. Puis, vous êtes déjà là à le faire depuis longtemps, mais je voulais vous dire à quel point que ça vaut vraiment la peine quand vous le faites, là. C'est pas dans le beurre que vous le faites. Puis, c'est pas. Tu sais, vous avez l'impression que c'est nonchalant, là, mais quand nous autres, on voit qu'il a été partagé, c'est tout le temps comme un Yes! C'est pas Steven qui l'a partagé, c'est pas Jean-François, c'est. Cette personne dont je ne me rappelle pas le nom. Et ça, en plus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était pas un auditeur fidèle, qu'on fait comme, ah oui, telle personne a encore partagé, mais c'est toujours très cool. Oui, c'est ça, dénigre pas Pascal non, Jacob. Non, c'est ça, non, dénigre pas Pascal Jacob. Mais... Allez, il vient d'avoir un lot, lui, là. Mais non, c'est ça. Patreon. Mais non, c'est ça. Non, c'est Pascal Cyr qui est sur le Patreon, faut pas se mélanger. Ça, c'est nos deux Pascal. On a trop de Pascal, ça, Gary. Oui, c'est ça, là, on va vous faire... On va faire vous battre. Là. D'ailleurs, il y a Pascal sur le chat du Patreon qui est en train de dire pour les vrais fans, ça fait plaisir, même s'il n'y avait pas de concours. Ouais. Mais, non, ben écoute, Pascal, d'ailleurs, ça, c'est une autre chose. Nos patrons, c'est de l'or en bord aussi parce que depuis qu'on a nos patrons, Horreur Gamer ne coûte plus une scène. Et ça, c'était quand même quelque chose qui était lourd à un moment donné. Là. Payer ouais. L'hébergement du site, payer, bon, on n'a pas eu vraiment d'équipement à payer depuis un bout, mais pendant un bout, moi, je me suis guiré un peu plus. On s'est même demandé à un moment donné si on ne s'achetait pas un logiciel de montage. À chaque fois que je reçois des concours, tu sais, je reçois des fois des 8 laissés-passer à faire tirer, mais ben, je les reçois chez nous, tu sais. Fait qu'il faut que j'envoie ces laissés-passer-là, tu sais. Quand je reçois des DVD, il faut que je fasse tirer. Mais souvent, c'est moi qui les envoie ces DVD-là. Fait que ça coûte encore des sous. Puis tu sais, c'est pas la fin du monde, mais. Puis peut-être tantôt, je disais, les publicités sur Facebook, mais tu sais, quand je mettais un 3, 4, 5 piastres des fois, 10 piastres par mois, ben, c'était de mes poches. Mais là, c'est plus de nos poches. Puis, ben, c'est ça, les patrons, ça nous aide tellement. Puis de vous avoir live pendant qu'on enregistre, c'est tellement génial. Là, bon, ce soir, c'est. Curieusement tranquille. Mais ça, c'est quelque chose qu'on veut changer. Là. J'aimerais qu'éventuellement on ait encore plus de monde live sans que ça alourdisse le show. Mais on va regarder avec la formule des Patreons là, pour avoir de quoi d'intéressant de ce côté-là. Soit baisser le prix du live ou ajouter d'autres récompenses. Mais en tout cas, on verra bien. Mais c'est ça. Fait que je voulais vraiment prendre la peine, là. Pas juste un petit bumper de 30 secondes là, pour remercier puis de dire que vous faites tout ça et que ça sert à quelque chose. Donc, c'est ça. Les likes Facebook, les partages Facebook, les étoiles iTunes, sérieusement, ça aide. Notre client Amazon, le Patreon. Puis même des fois, là, c'est aussi niaiseux que quand on fait un concours, postez votre like du concours, tu sais, genre, hey, merci à Horreur Gamer et genre Métropole Film Studio ou Entract Film, qui sont souvent ceux-là qui nous fournissent des concours. Parce que, tu sais, quand ils voient que vous avez aimé le concours, vous avez reçu votre prix, puis vous les taguez avec nous autres, ben, ils font comme, ah, ben écoute, les gagnants d'Horreur Gamer, quand ils gagnent, ils nous font une petite pub on the side. Fait que, tu sais, ça aussi, là, ça les encourage encore plus à nous donner des prix pour vous autres, parce qu'on s'entend, là, moi, en track film, à part vous avoir donné des prix, ils m'ont rien donné à moi. Là. Moi, nous autres, on n'a rien eu, là. T'sais. On reçoit des cadeaux pour vous autres. C'est pas ça parce qu'ils sont gratuits ou quoi que ce soit, mais t'sais, c'est souvent ça, là. On reçoit rarement des choses pour nous autres. J'ai reçu quelques disques de films à critiquer, ou même des fois, c'est juste un code de screener, tu sais. Ouais. J'ai jamais eu l'impression que j'étais en train de me monter une collection de DVD sur votre bras, là. C'est pas avec Crucifixion, puis j'oublie l'autre que j'ai reçu cette année, là. J'en ai, je pense, reçu deux, peut-être trois. C'est pas avec ça que j'étais en train de me dire que... Ma collection Refix bonifie. Bonifie, incroyable! Là, tu lui dis, ouais, mais vous ne pourriez pas envoyer une copie de Hit? Non, ça, on n'en envoie pas. Calice! fait que c'est ça. Donc, continuez. Arrêtez pas. Puis, c'est ça. Je ne vous écœure pas plus avec ça. Puis là, Steven, pendant la pause, j'avais préparé une surprise. Ouais. Quelque chose qu'on voit pas souvent dans Horreur Gamer. Là, parce que c'est un épisode de tour de table et tout ça, je peux me permettre d'en parler. Je vais parler de jeux vidéo. Oh! Alors, on va mettre du gamer dans Horreur Gamer aujourd'hui. ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare. Puis là, bon, ceux qui sont gamers, finalement, vous allez peut-être être déçus parce que vous allez dire, hey, Chris, ça va, tu arrives en ville, ça fait 8 ans qu'on joue à ça. Là. Mais regardez, là, c'est... C'est ça. J'avais le goût d'en parler parce que oui, c'est connu, mais pas assez selon moi. Puis ça vaut vraiment la peine de jeter un œil. Et c'est un jeu qui s'appelle Darkest Dungeon. Par les studios Red Hook, c'était un Kickstarter qui a finalement passé et qui a obtenu beaucoup de succès. Ils ont eu plusieurs extensions par la suite. Puis c'est ça, dans la dernière semaine, sur le PlayStation Store, il y a eu des flash sales. Et je l'ai acheté parce que si je l'achetais, je l'avais à la fois sur ma PS Vita puis sur mon PlayStation 4. Puis les save games étaient ensemble. Puis je l'ai eu genre pour 10$. Fait que, et c'est ça, c'est un jeu de stratégie, un jeu de rôle de stratégie qui, j'essaie de le résumer sans trop virer fou là-dessus. Vous êtes un genre de lord qui a son petit, je vais dire un mot technique ici, hameau, H-A-M-E-A-U, je chercherai ça. En anglais, c'est Hamlet. Regarde, on va en apprendre à soir en gamer. Ça veut dire, c'est pas un village, c'est pas une seigneurie, mais c'est comme un mini-village. On the side, puis ben c'est ça, vous étiez un seigneur qui avait un genre de mini village comme ça, puis qui a tout perdu, puis vous revenez, puis c'est un peu en décrépitude parce qu'il y a eu toutes les possessions de vos ancêtres ont été dérobées et sont maintenant dans des donjons. Et vous devez envoyer des mercenaires dans les donjons pour aller récupérer ces reliques-là de vos ancêtres, puis ces reliques-là vont vous permettre d'améliorer le village. Et ensuite, ça va vous permettre d'améliorer les mercenaires que vous envoyez dans les donjons jusqu'à ce que vous ayez tout récupéré. C'est un jeu qui se veut extrêmement difficile parce qu'il ne pardonne pas. C'est un jeu où la mort est permanente. Et c'est un jeu où vous recommencerez souvent. La façon que ça fonctionne un peu, c'est que ça fonctionne en semaine. Donc, vous débutez votre semaine avec les nouveaux mercenaires qui arrivent. Puis là, c'est genre, voici les nouveaux mercenaires. Puis là, tu les choisis. Des fois, tu vas en garder ou pas. Chacun a des classes. Mais c'est pas des héros, là. C'est pas le gros paladin avec son épée magique puis tout ça, là. Des anti-héros. C'est du monde qui ont des problèmes. Qui ont vraiment des problèmes psychologiques. Autant des qualités, mais des fois, c'est des problèmes. Et ben là, vous formez votre équipe de 4 personnes, puis là, vous les envoyez dans les donjons. Et les donjons, vous les explorez, et vous rencontrez des créatures, puis des événements qui vont influencer un peu l'issue de votre exploration. Et le donjon va se terminer par soit la mort de tout le monde, la victoire ou la retraite. Si tout le monde meurt, ben tout le monde meurt et ce qu'il y avait sur eux est perdu dans le donjon. S'ils font la retraite, vous allez payer parce que vos mercenaires ont non seulement des points de vie, mais ont aussi des points de stress. Et c'est extrêmement stressant d'abdiquer dans un donjon. Et les points de stress, lorsque vous terminez un donjon, si les personnes en ont trop, ça va leur développer des mauvaises habitudes. Ça va leur développer des comportements négatifs. Puis si vous n'en avez pas trop de stress, peut-être que ça va leur développer des comportements positifs. Et c'est ça, ça peut aller de la kleptomanie. Donc là, vous arrivez dans le donjon, puis vous trouvez un trésor, tu fais « cool », puis là, tu as un de tes personnages qui fait comme « ça, je garde ça pour moi », puis là, tu fais « mais voyons donc, c'était mon trésor à moi ». Fait que là, à la fin du donjon, tu l'auras pas, lui, il part avec. Moi, j'en avais un qui mange tout. Dès qu'il y a quelque chose qui peut être de la nourriture, même si j'ai pas checké si c'était de la nourriture qui était bonne ou quoi que ce soit, il va le manger. Les réactions, dans le fond, sont tout le temps imprévisibles. Ils sont toujours imprévisibles. Puis, tu sais, puis le kleptomane, ça veut pas dire qu'il va toujours être kleptomane. Des fois, il va le laisser, le trésor, il le prendra pas tout le temps. Mais s'il est vraiment beaucoup stressé dans le donjon, ben là, son mauvais pli va ressortir souvent. Il y en a qui vont avoir peur de certaines créatures plus que d'autres, tout ça. Fait que ça, c'est quasiment plus dangereux que les points de vie. Et ça ajoute une dynamique vraiment intéressante. Parce que pendant les combats, si ton héros réussit vraiment une super belle attaque, il a fait un critical hit ou il a tué une bébite, ben son stress va baisser parce qu'il va se sentir meilleur. Puis peut-être même que les autres héros autour vont faire comme « Ah! » Ça va les booster. Ou, tu sais, s'il mange, lui, un critical hit ou si il a essayé de frapper un monstre, puis le monstre a réussi à éviter son attaque, ça va le faire stresser. Ou même si le combat dure trop longtemps, ils vont stresser parce qu'ils ont l'impression que le combat n'aura pas d'issue. Puis même que des fois, il y a des monstres qui vont avoir des attaques qui ne font pas de dégâts, mais qui vont augmenter le stress. Et ça fait très Lovecraftien en bout de ligne comme chose. Il y a des créatures qui font très, très Lovecraftienne, tout ça, et ça a une ambiance vraiment tripante. Vous irez voir le C'est un jeu en visuel. 2D, ça? Oui, en 2D. Le visuel est super simple. La stratégie est vraiment là. Il faut vraiment que tu penses à ton équipe et à genre, ouais, si je mets lui, je peux mettre lui, je vais mettre lui, je vais mettre lui. Puis là, les personnages ont même, selon où ce que tu les positionnes, il y a des attaques qu'ils vont pouvoir faire, il y en a d'autres qui ne seront pas capables de faire. Tu sais, exemple, si tu le mets trop en arrière, le quatrième de tes bonhommes, ben, il ne va pas pouvoir faire ses attaques au corps à corps, il va juste pouvoir faire ses attaques à distance. Puis, si tu le mets en avant, il ne pourra pas faire ses attaques à distance, il va faire juste ses attaques au corps à corps. Fait que là, faut comme tu jauges, tu fais comme, OK, mais je ne peux pas mettre quatre guerriers parce que le guerrier est en troisième et en quatrième position, il ne sera pas fort. Fait que, en tout cas, il faut vraiment que tu gères tout ça, il faut que tu gères ton argent parce que la défaite coûte cher. Puis, je pense que j'en suis rendu à ma sixième ou septième game que j'ai recommencé, là. Mais que là, ça va bien. C'est ça, je trouve cool souvent des jeux plus minimalistes d'un point de vue graphique qui misent justement sur des idées originales dans le gameplay, dans la structure ou les idées. Je trouve ça vraiment le fun. Puis souvent, c'est souvent des petites compagnies qui parlent justement des Kickstarters qui t'offrent des jeux qui vont être des coups de cœur de l'année. Ça, Ah c'est vraiment le fun, ça. oui. Écoute, vraiment pas cher le jeu. J'aimerais ça peut-être réussir à parler au studio, peut-être vous offrir une copie ou quoi que ce soit, on regardera. Mais il est sur ordinateur, il est sur PS4, je pense qu'il est sur Xbox. Je me demande même s'il n'est pas sur la Switch. Ça se pourrait, Il est ouais. partout. Vous avez peut-être préféré le contrôle à l'ordinateur pour certains. Moi, j'ai eu beaucoup de temps d'aptitude à le faire au PS4, là. Même que des fois, je pesais pas sur le bon bouton, puis soit j'utilisais un item que j'aurais pas dû, ou mon personnage faisait une action que je faisais comme, non, c'est pas ça que je voulais qu'il fasse. Mais, Surtout tu que tes sais, erreurs sont fatales, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, je me suis habitué au contrôle, puis c'est numéro un, là. C'est super intuitif par la suite, mais au début, c'est pas évident. C'est ça. Si vous n'avez pas les jeux qui sont durs ou les jeux qui pardonnent pas, il n'y allait pas. Mais si vous aimez quelque chose de différent avec un bon challenge, une esthétique intéressante, c'est le jeu pour vous autres. Il y a même une super narration pendant le jeu avec un bonhomme avec une bonne grosse voix qui va narrer un peu tes aventures dans le donjon, qui sont C'est-tu vraiment très Christopher cool. Plummer? Écoute, je sais pas. Non, mais je dis ça en même temps parce qu'il a tendance à faire beaucoup de narration puis des livres audio, puis Non, honnêtement, ça sa serait voix drôle. est comme est Ça serait parfaite pour drôle. ça. Non, mais écoute, j'essaye de voir vite, vite, narrateur de Darkest Dungeon. Mais ben, tu vois, regarde, il y a même une page wiki juste pour le narrateur, tellement qu'il est populaire. Il s'appelle Wayne June. Et c'est drôle parce que, ah, ben, tu vois, je suis tombé sur sa page Twitter. Et son compte Twitter, puis en bannière, c'est H.P. Lovecraft qui est là. Fait que tu vois que tout est lié. Tout est relié, là. T'avais pas tort finalement, là. Fait que non, c'est ça, allez jeter un œil, c'est vraiment intéressant. J'ai même pas encore commencé les DLC, je me les ai même pas pognés, puis je suis comme pas prêt encore. Mais Sébastien, on s'entend-tu que les jeux, c'est comme les films, là? On n'arrive pas à suivre la cadence. Non, c'est ça, écoute, puis là, Impossible. non, puis je sais même pas pourquoi j'ai commencé ce nouveau jeu-là alors que j'aurais dû juste laisser tomber, mais non, ça fait trop longtemps que je le regarde sur Twitch, puis que je me dis c'est vraiment intéressant ce que je vois, puis je voulais l'essayer, et honnêtement, je suis conquis. Conquis. Et c'est ça, je vais vraiment prendre la peine d'aller jeter un œil sur Darkest Dungeon, et... C'est ça, il n'y a pas vraiment de démo ou quoi que ce soit, mais peut-être aller voir sur Twitch, il est souvent joué par des Twitchers populaires. C'est juste que vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, là. C'est un peu lourd comme introduction quand tu vois quelqu'un qui le joue pour pour la centième fois, là, tu sais. Ouais. Il y a de l'air d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'écran. Mais finalement, ça s'assimile très, très vite. Nice. Je te laisse y aller. Yes, ben moi j'ai vu évidemment Revenge, Gracieuseté de Métropole Film, hein? Fait que grâce à Oui. eux, on a fait le concours pour pouvoir aller voir le film dans les quelques salles. À travers le Québec, évidemment, c'était très limité. Il Il y en était à avait deux. Montréal, puis Hein, je tu peux? pense. Je pense que c'était Oui. juste à Montréal. Ah ouais, en plus, juste à Montréal, bon. Je vais te le dire, on l'a sur la page concours. Je pense que c'était vraiment exclusif Montréal, malheureusement, parce que il y a des films de même que tu te dis, Je pourquoi pense lui, qu'il on n'est l'a plus pas dans les d'ailleurs? salles non plus, mais il faut dire que ça fait un moment depuis qu'on a fait un concours. Là, fait que c'est très rare que ça dépasse les 2 semaines. Cinéma du Parc exclusivement. Là. Ouais. Mais c'est vraiment génial ce cinéma-là parce qu'ils sont tout le temps en train de backer ce genre de film-là et à mettre des sorties. T'sais, oui, comme je dis, ça ne dépasse pas les 2 semaines la plupart du temps. Fait qu'il faut en profiter puis y aller parce que, écoute, c'est le meilleur moyen d'encourager ce genre de cinéma-là pour faire en sorte qu'on en ait de plus en plus. Fait que, encourager. Mais c'est ça, je suis allé voir ça. Film français, réalisation par Coralie Forget. Désolé si je massacre son nom de famille, je suis pas trop certain comment. Fait que c'est le deuxième film français de genre réalisé par une femme qu'on a en 2 ans. L'année passée, on a eu Grave, qui était un autre film de genre qui utilisait le cinéma d'exploitation pour lancer un genre de message féministe, si on veut, qui avait des propos, des choses à dire, et on découvrait un nouveau talent derrière la caméra. Et Revenge, c'est pas mal. La Sœurette de Grave, dans le sens que c'est un autre film où ça va être dans le genre d'exploitation avec une réalisatrice nouvelle qui a des propos, qui a évidemment un côté féministe très présent. Je veux dire, c'est encore une fois une héroïne dans le rôle principal. Ça raconte l'histoire d'un riche millionnaire qui va amener son amante, parce qu'évidemment il trompe sa femme, son amante du nom de Jane, qui est interprétée par Mathilda Anna Ingrid Lutz. C'est la première fois que je la voyais dans un rôle. Et il l'amène dans son espèce de petite villa en plein milieu du désert, passer un petit week-end tranquille. Et sans le savoir, il y a ses deux amis de chasse qui débarquent 2 jours plus tôt, alors qu'ils devaient arriver plus tard. Fait qu'il aurait eu le temps de profiter du moment avec Jane avant qu'elle parte. Et malheureusement, ça va mal tourner. Il y a un de ses deux amis qui a une espèce d'obsession envers Jane et qui va malheureusement la violer. Ce qui va mal tourner et engendrer également la mort de Jane. Elle va être laissée pour morte, mais heureusement, Jane n'est pas morte et elle va revenir sous forme de ange de la mort et venir se venger contre ses bourreaux, incluant son amant qui a mal agi également avec elle. Écoutez, ce film-là, je sais que ça a engendré des craintes pour plusieurs, pour la simple raison que ça a l'étiquette de Rape in Revenge. Moi, personnellement, c'est pas un genre que j'affectionne. C'est un genre qui a été pas mal dégradant, si on veut, pour la femme, parce que la plupart de ces films-là ont été réalisés par des hommes. L'emphase a souvent été mise sur le viol. Des fois, tu as des films que le viol pouvait durer des fois 10 minutes ou pas Ah, loin d'une c'est... demi-heure avec I Spit on Your Grave. Et c'est ça qui est vraiment chiant que ce genre de film-là, c'est qu'on va être très explicite, très graphique sur ce point-là, mais quand vient le temps de la revanche, souvent c'est expédié, ça dure moins longtemps, on n'ose pas trop montrer ça. Et là, tu as une réalisatrice qui arrive avec ce genre-là, et non seulement elle va jouer un peu avec les codes, elle va tourner tout ça, mais c'est ceux qui ont une crainte de tout ça, je vous dirais que Revenge mérite pas tant que ça son étiquette de Rape in Revenge. C'est même un film qui va sombrer pratiquement dans le film d'action et ça va sembler drôle comme ça, mais à l'étiquette Rambo avec un visuel à la Mad Max Fury Road. Et c'est même la réalisatrice qui dit là, que son inspiration principale pour ça, c'était Rambo parce qu'elle, ce qu'elle voulait avant tout, c'était créer vraiment une héroïne iconique, quelque chose de pratiquement surréaliste à la Rambo. Et j'ai vu des gens qui reprochaient. Le fait que l'héroïne principale n'aurait pas pu survivre à sa blessure principale parce que, tu sais, elle tombe d'une falaise sur un arbre, elle perd beaucoup de sang, mais je crois qu'il ne faut pas aller dans l'analyse réaliste pour ces aspects-là parce que je trouve que c'est un peu comme quand on écoute justement un Rambo ou un Commando avec Arnold. C'est le genre de film d'action que tu écoutes que on n'a pas tendance à y aller dans le réalisme, à justifier ça, tu sais, à se dire, oh, ben oui, John Wick, il tue 50 personnes. Non, je pense que c'est. Il faut juste se laisser aller sur l'idée qu'on se retrouve vraiment avec une véritable héroïne féminine dans la tradition des films qu'on peut avoir justement avec les Rambo et les Arnold. Puis je trouve que ça fait du bien, puisque c'est rare qu'on ait ça sur les écrans. N'empêche que ça reste un pur film d'exploitation, ça va dans la surenchère. Et j'aime beaucoup que le film, l'enfance, soit mis sur le titre Revenge, parce que justement, le fameux moment de viol dure visuellement, je pense, c'est à peine 30 secondes. La réalisatrice utilise sa réalisation de façon intelligente pour montrer autre chose, un autre geste de un des trois compères qui est aussi grave que le viol en tant que tel. Puis c'est souvent des aspects qui sont pas montrés dans ce genre de film-là. J'ai trouvé ça intéressant. Puis on n'avait pas besoin justement de le voir graphiquement, le viol de la femme. Je pense qu'on est tous conscients de à quoi ça ressemble. On n'a pas besoin de voir ça. Mm-hmm. Et justement, elle met plus l'emphase justement sur sa revanche et sur les moments gore du film où que là, ça va être très explicite. Et souvent, c'est les moments les plus douloureux avec les personnages masculins du film, c'est lieu avec des pénétrations. Et là, je parle pas de pénétration anale, je parle plus d'un point de vue symbolique. Exemple, un morceau de vitre dans un pied qui va prendre deux minutes au personnage à essayer de l'enlever puis à essayer de profondément rentrer ses doigts. C'est douloureux, c'est jouissif, mais en même temps, je me dis que ça fait du bien, contrairement à tous les autres films qu'on a vus où on mettait l'emphase sur le viol en gros plan pendant de longues minutes. Ben là, c'est là. Là, on voit des hommes souffrir pendant de longues minutes en gros plan avec des doigts qui rentrent dans une plaie, comme je dis, qui fait très, très, très symbolique. Et c'est un des rares films de Rape and Revenge, ou de revanche, tout court, où que on va pratiquement jamais voir la femme à poil, mais les hommes, dont un en particulier, va devoir se battre pour sa vie. Tout nu, tout le long, on voit son entrejambe très souvent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tant souvent, l'organe masculin dans les films. Fait qu'encore là, c'est un cliché avec lequel la réalisatrice joue beaucoup. Et ce qui est le fun également, c'est que malgré qu'elle a beaucoup de messages, c'est une réalisatrice qui lance ses propos de façon visuelle avec sa caméra. Fait que le scénario va vous paraître très simpliste, un peu à la Mad Max Fury Road, mais comme un George Miller, cette réalisatrice-là arrive à donner de la profondeur avec des détails qu'on voit dans la caméra, des images. Comme je dis, il y a beaucoup de symbolisme dans le film. Il y a une scène avec une canette de bière qui, pour moi, va devenir iconique et fait très référence à Rambo, justement. Rambo 3 en particulier. Okay. Ceux qui ont vu le film vont sans doute s'en rendre compte. Visuellement, par contre, c'est de la bombe. Comme je dis, les couleurs sont très saturées. Ça fait très Fury Road. Il y en a qui trouvaient que ça faisait trop cartoon, mais en même temps, c'est un peu l'effet que la réalisatrice recherchait. Les cadrages, les plans, c'est écœurant. Puis moi, j'étais un maniaque de western moderne. Puis tu sais, t'as le feeling, c'est ça. Là. C'est un genre de film avec un souffle primal. C'est sauvage, en plein milieu du désert. La fille est badass avec son espèce de ceinture, avec son couteau, son shotgun en arrière le dos, prête à venir dévaster tout ce qui est devant son chemin. J'ai vraiment aimé ça. S'il faut que j'aille dans les petits reproches, je dirais que le film a peut-être 20 minutes de trop. Je dirais pas que c'est un 20 minutes qui m'a ennuyé, mais je crois juste qu'on aurait pu peut-être resserrer un peu au niveau du montage et faire en sorte que ça soit plus rythmé et un petit peu plus intense sur son rythme. Mais en part de ça, ça ne m'a pas tant gêné. Et c'est pas mal ça, en gros, je pense, le reproche que j'ai. Sinon, oui, il y en a qui vont trouver que c'est peut-être trop classique comme scénario et comme structure, mais je trouve que la réalisatrice arrive à offrir des nouveaux aspects intéressants qu'on ne voit pas tant dans le genre, dont ceux que j'ai mentionnés un peu par rapport aux femmes et aux hommes dans le Rape and Revenge. Fait que moi, je le recommande fortement. Et comme je vous dis, si vous êtes réticent à cause du genre, c'est un film qui va être plus dans l'action et dans le côté Rambo. Fait que vous allez peut-être plus avoir du fun là-dessus. Et non, une agréable surprise dans une année plutôt poche en termes de films d'horreur, malgré que celui-là, comme je dis, ça vague. Là. Il y a des moments très, très gore, et ça, je l'ai pas spécifié, mais c'est très explicite dans le gore. Et parmi les meilleurs effets que j'ai vus cette année, là, vous allez grincer des dents à plusieurs reprises. Là. C'est assez malsain, merci. Nice! Je pense qu'on n'a pas vraiment encore de sortie. Ben écoutez, le film en ce moment est en là. Il est en location sur iTunes, oui, fait que vous pouvez aller le louer, vous pouvez l'acheter, fait que je pense que c'est pas mal le meilleur médium. Je crois même qu'il est sur le PlayStation Store, si je me trompe pas. Fait que c'est un des gros morceaux de cette année, je vous le recommande, puis ça fait du bien de voir le cinéma français de genre revenir sur un piédestal. Tu sais, on avait eu une passe où on avait eu Martyr, Haute Tension, puis après ça, ça a baissé un petit peu, on a eu des œuvres beaucoup décevantes, puis souvent des œuvres qui venaient de ces réalisateurs-là. À l'intérieur, tu sais, les autres films de ceux qui ont fait à l'intérieur, c'était assez décevant. Mais là, on a deux réalisatrices vraiment, vraiment mémorables à suivre qui nous ont offert pratiquement deux bombes une après l'autre. Et on a le nouveau Pascal Laugier qui sort aussi cette année, Ghostland, réalisateur de Martyr, qui a fait un gros buzz également. Apparemment que c'est solide. Fait que je pense qu'on risque d'être beaucoup gâtés dans ce domaine-là. Fait que moi, je trouve ça cool. Puis je trouve ça le fun de voir des réalisatrices ou peu importe, même des réalisateurs arrivés avec des films d'exploitation comme ça, puis au lieu de jouer la carte du pastiche, puis juste de l'hommage, puis tenter de jouer vraiment juste sur la nostalgie, comme ça arrive un peu trop souvent dernièrement avec les années 80, mais là, c'est vraiment des purs films d'exploitation, mais avec un propos, puis avec vraiment une identité propre ouais. à eux. Fait que c'est ça qui est le fun, au lieu de sombrer juste dans l'hommage, puis c'est quelque chose qui m'agaçait souvent avec les films qu'on avait dernièrement. On se réapproprie un genre, puis on... Exact, on exact. Non, je te dirais que c'est peut-être pas le genre de film que j'ai goût d'écouter ces temps-ci, mais clairement, avec faut l'année qu'on a, faut que ce soit pas trop long qu'il va monter dans la liste. Probablement. Si ton année est poche, dis-toi, ben garde-toi Revenge dans un petit coin pour te dire, ouais, celui-là va peut-être venir remonter la pente si j'ai de la misère. Là. Excellent. J'ai goût de continuer avec. Là, vous allez comprendre la ma logique, là, mais je n'ai fait que du Netflix. Et après Evil Genius, c'est The Ritual que j'ai visionné. Toi, tu l'as-tu vu, The Ritual? Oui, je l'ai vu quand c'est sorti la journée même. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais. Écoute, j'avais aucune idée qu'est-ce que ça allait être, puis à quoi m'attendre. C'est un film de David Bruckner qui avait réalisé un des segments de Southbound. Exact. Ouais, je sais pas lesquels, par exemple. Je pourrais pas. Je n'ai pas cette information, mais. Je crois que c'est le premier avec les espèces de créatures volantes ou. C'est les deux gars qui se promènent dans la camionnette, puis il y a une espèce de créature qui flotte. Là. C'est pas comme lui qui revient, là. En tout cas. C'est... Ouais, qui revient à faire un peu le wraparound, mais qui est pareil comme le premier segment. Ouais, ouais, ouais. Écoute, je sens bon que j'avais. Pas nécessaire, mais que finalement, c'est pas ça qui va nous donner le pouls pour le rituel. Mais, ça fait longtemps, là, mais écoute, là, j'ai accumulé. Et le rituel qui raconte quatre gars qui vont aller faire une randonnée dans les bois, comme pour aller. Pour. Ouais, remémorer. Rendre hommage à un ami qui est mort d'un hold-up de dépanneur. Puis qui avait comme idée d'aller faire cette randonnée-là, puis eux autres, ils ont fait comme on allait la faire pour notre ami. Puis bon, en chemin, on soit le choix de le fameux choix de prendre un raccourci à travers la forêt ou de la contourner. Puis bon, ben, pour décider, non, on va faire, on va prendre ce raccourci-là. Et à la première nuit, ils vont chercher une place pour camper. Finalement, ils vont trouver comme une cabane abandonnée. Avec creepy. Creepy, avec un genre de drôle de statuette de bois avec des branchages et tout ça. À la Wicker Man. Ouais, un peu à la Wicker Man. Puis là, tu te dis, bon, ok, ça va être un truc dans le bois avec truc caché, tout ça. Et tension, très Blair Witch, ouais. Puis tu sais, bon, c'est pas fan footage, mais c'est ça. Puis là, tu te dis, bon, ça va. Ça va monter tranquillement, là, cette tension-là. Et après cette première nuit à la cabane, déjà, il n'y en a plus de tension. C'est comme... Ça dérape. Tabarnak, j'avais déjà de déraper, mais comme le calice. C'est comme... j'ai même de la misère à me rappeler ce qui se passe avec chacun de ces gars-là. Là. Chacun a vu, il va vivre quelque chose pendant cette nuit-là. Il y en a que t'es même pas... T'es pas vraiment capable de savoir qu'est-ce que c'est. Mais ils ont tous vécu quelque chose de... pas cool pendant cette nuit-là. Mm. Et là, à partir de ce moment-là, ça ne fait qu'empirer. Et tu te demandes, ben voyons donc, mais qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il des créatures dans les bois? Y a-t-il un genre de... Y a-t-il d'autres humains qui sont là qui leur veulent du mal? Puis j'ai comme pas le goût d'en dire plus. Je pense qu'il faut pas en dire plus, parce que c'est le genre de film qui est le fun à partir... À l'aveuglette. Oui. L'aveuglette, parce que ça, c'est le genre de film qu'un trailer nous vendrait... beaucoup trop de choses. Je crois que la plupart des gens l'ont vu, mais au cas où quelqu'un nous écoute, oh, tu as raison, je comprends ça. Mais je trouve que The Ritual, c'est l'exemple parfait d'un peu de ce qu'on discutait tout à l'heure, de réalisateur qui va beaucoup dans l'imaginaire, surtout au départ, par rapport à la menace, il joue avec des jeux d'ombre, puis parle-moi de ça, un réalisateur qui utilise sa forêt. Tu sais, une forêt, ça peut sembler vraiment un décor anodin, c'est très facile, mais il faut savoir utiliser ta forêt, puis tu as des plans là-dedans. Utilise les arbres pour te tromper, puis te faire croire que tu vois quelque chose bouger, puis ça crée une espèce d'anxiété que tu as avec ces personnages-là. En même temps, je me sentais dans la forêt avec eux. Il y a même des setups, là, des endroits dans la forêt que je me disais, il l'a trouvé, cette place-là. Là. Ils l'ont cherché, c'est sûr. Écoute, ça n'a pas de style bon sens. Il y a des bouts, je me disais quasiment, cette forêt-là, elle est faite par CGI. Ça ne se peut pas. Ce que je suis en train de voir là, là. Tu sais, je ne sais pas trop à quel moment, si tu comprends quel moment que je fais référence, mais ouais, ça m'a amené, la façon que les arbres sont positionnés, tu fais, mais ouais, non, mais c'est... Je pense que c'est vraiment un angle de caméra qui fait, qui fait toute la job, là. Ouais, mais écoute, c'est débile. Puis, il nous en met, même si dans les 20 dernières minutes, tu fais comme, ah, OK, finalement, c'est ça la menace, ben moi, j'étais encore dedans. T'sais, même s'il nous la dévoile rapidement, la menace, puis que tu fais comme, OK, il reste encore un bon bout de film. Là. Mais il dévoile la menace bout par bout quand même. Oui. Je trouve qu'il ne va pas trop clairement. Non, c'est ça. Ça reste que des indices. Là, quand ça arrive, quand tu comprends ce qui est, de quoi qu'il est question, tu ne tombes pas en bas de ta chaise, hein, mais tu fais comme, OK, c'est ça finalement la menace. Mais c'est que là, on passe carrément à autre chose. On n'est plus dans un stress, mais là, on est comme dans un « what the fuck ». Mais qu'est-ce... Comment ils vont s'en sortir? Puis de deux, jusqu'où est-ce que ça va aller? Parce que... On parlait tantôt de pas trop en montrer. Puis tu penses que, maintenant, ce que tu vois, c'est suffisant, puis t'en verras pas plus. Mais maintenant, ils décident de te montrer des choses vraiment clairement. Et ça, c'était... Pour moi, c'était bien fait. Et pour moi, c'est un des défauts. Ah ouais, c'est une des rares fois, mais moi, le troisième acte de ce film-là va tellement dans les détails. Oui. J'ai trouvé que c'était... Pas forcément que c'était mal amené, mais je trouvais que c'était mal développé, ce moment-là. Et j'ai juste fini par décrocher, alors que la première heure, j'étais pas capable. Puis tu sais, pourtant, je trouve que c'était pas forcément nécessaire, parce que le contenu était là, je veux dire... Le réalisateur prend la peine de développer ces personnages-là. Fait que, tu comprends le drame, tu t'attaches à eux. Et le réalisateur joue beaucoup avec des effets psychologiques. Tu as des personnages qui vont avoir des hallucinations de l'endroit où il y a eu le vol intégré dans la forêt, mise en scène de malade. C'est l'idée du génie. Puis, il aurait pu juste continuer là-dedans puis jouer à la limite entre voir et pas voir la menace. Mais le troisième acte, il décide tellement de rentrer en plein dedans. Je trouve que ça baisse un peu dans le rythme malgré que. Je dis pas que c'est mauvais, mais moi, ça m'a vraiment fait un letdown, puis le film a perdu un peu de ses points à cause de ça, malheureusement, dans mon cas. Ah, tu vois, moi, ça m'a... Ça a continué à me satisfaire, parce que j'étais comme, OK, ça, c'est vraiment cool. C'est très cool ce qui est en train de se passer. Puis, justement, je trouvais que ce qu'il montrait n'était pas mal fait ni déplaisant, mais oui, je vais te l'accorder. Là, on passe de... Je vous donne des pistes de c'est peut-être ça, puis vous verrez peut-être pas, puis c'est peut-être ça ou ça ou ça, puis là, qu'à la fin, c'est non, voici c'est ça, il y a du monde qui va faire des scènes d'exposition, tu vas tout comprendre, tu n'auras plus de doute, c'est clair et net. Mais en même temps, je trouvais, il y avait un effet de cool dans tout ça, je peux pas te l'expliquer, mais j'étais comme, OK, c'est vraiment cool ce qu'il a décidé de faire comme affaire, parce que je sais pas. Mais tiens, en même temps, c'est tiré d'un livre, hein, oui. En même temps. Fait que je sais pas si le livre, c'est vraiment tout. Ouais. Je connais pas les libertés ou à quel point c'est fidèle ou pas. C'est que souvent dans ces trucs-là, oui, tu vas découvrir que bon, la menace, c'était ça. Puis souvent, la menace, c'est que bon, tu sais, c'est sûr que si je rencontre cette affaire-là en forêt, mal préparée, c'est une menace, mais finalement, bon. Ça... Admettons, on parlait tantôt de Willow Creek où. Existe, c'est des Bigfoot. Ben, tu fais comme, ben, écoute, c'est des Bigfoot. Mais là, là-dedans, tu fais comme, oh non, OK, oh shit, mais c'est ça. Puis là, mais tabarnak, OK, là, ça implique un paquet de... Tu sais, moi, tu sais, je voyais comme de big picture de la révélation de ceci et là, donc... Ouais. On vient d'en découvrir plus sur... ça implique beaucoup de choses dans notre univers au complet. En tout cas, c'est fucked up. J'étais comme, yeah, on est allé dans le trop loin et j'adore. Je te dirais que celui-là, ça a quand même été dans les premiers bons films que je voyais cette année dans l'horreur. Puis j'étais comme, nice! Mais c'est ça, moi, je l'ai vu, je l'ai aimé, je suis passé à autre chose. C'est ça qui est dommage en même C'est temps. ça qui est dommage. T'sais, je la réécouterai sûrement pas, puis je sais pas jusqu'à quel point je vais le recommander. Mais j'ai passé un bon moment. Puis à la fin, la déception que tu as eue, moi je l'ai pas eue. Mais oui, tu as raison, par exemple. Tout le suspense, puis le questionnement, tout ça tombe. Puis après ça, tu deviens vraiment moins proactif dans ton écoute et tu es juste comme, OK. Ben, t'es plus installé Ouais. confortablement. C'est comme moi qui j'écoute tes explications. Je suis devant le professeur, puis vas-y, là. Oui, c'est ça. Mais tu vois, j'aimais ce que je voyais, fait que c'était encore correct. C'est pour Cool. ça que je ne suis pas déçu. Écoute, j'allais dire, c'est à toi, mais on a comme partagé un peu ce sujet, mais c'est parce que moi, il me reste presque plus rien. Alors, c'est à Moi non toi. plus. Il m'en reste deux petits. Fait que, de toute façon, j'ai pas envie d'éterniser l'épisode. Ouais. Je vais y aller avec un que j'ai vu cette semaine. Belle petite découverte que j'avais jamais vue. Puis justement, Scream Factory vient tout juste de le ressortir en Blu-ray. Moi, j'ai mon vieux DVD de HBO. C'est, ça s'appelle Off on No Origin. C'est avec Peter Weller. Oui, j'ai Et c'est. ça. J'ai ça chez nous, j'ai jamais écouté. Tu me viens tu as le DVD pour de vrai? Oui. C'est réalisé par George P. Cosmatos. C'est le réalisateur de Cobra avec Sylvester Stallone, C'est-tu un peu Rambo 2. le truc où il y a comme une photo de famille déchirée? Oui, exactement. OK. Attends, je vais t'en Ouais, montrer. c'est Peut-être je sais exactement pour les ça. J'ai pogné auditeurs qui ça dans un écoutent, clip mais. vidéo dans des prévisionnés à 2$. Puis je leur fais oh, ouais, ça m'a toujours intrigué, mais j'ai jamais écouté. Ouais, je l'ai pogné aussi à 2$. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais moi, découvrir des creature features des années 80 que j'ai jamais vu, je suis comme fuck yeah. Puis tu sais, c'était avec Peter Weller, je me dis ça doit être quand même pas mal. Puis méchante belle surprise, les amis. Honnêtement, si vous êtes fan du genre, je disais, moi j'ai envie de me procurer le Blu-ray de Scream Factory. Je me dis que le transfert devrait être nice. Mais ça raconte l'histoire de Peter Weller, qui est un père de famille. Assez de banlieue, dans le sens que sa femme elle a un père riche, fait qu'ils vivent bien. Lui, il est à la tête d'une compagnie de marketing, ça va bien. Et là, il y a un nouveau contrat qui arrive dans le lot. Et c'est un contrat vraiment big que j'ai jamais eu la chance encore de faire, mais c'est le moment pour lui, tu sais, de prouver qu'il vaut plus, puis de monter dans les échelons. Mais ça va engendrer un gros stress. Fait que ça va beaucoup stresser, mais il va devoir passer les 2 semaines à essayer de faire ça. Puis sa femme et son enfant s'en vont en vacances chez son beau-père. Fait qu'il se dit, bon, c'est le bon moment d'en profiter puis de me concentrer à la maison. Mais plus ça va aller, il va se rendre compte qu'il y a des petits objets troués dans sa maison, des petits fils qui commencent à être grugés. Puis là, il commence à se dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a comme le concierge de l'immeuble qui dit, je pense que tu as peut-être un rat parce qu'il y a juste un rat qui peut être capable de gruger de tels fils. Et c'est là qu'il va s'en suivre une espèce de confrontation entre l'homme et la bête, de ce qui veut dire Peter Weller est un rat. Ben Et oui, alors. je sais que la liste n'est pas longue. Fait que ça veut rien dire ce que je vais dire, mais c'est facilement le meilleur film avec un rat comme créature, comme menace que j'ai vu. C'est bien drôle. Mais c'est vraiment bon. Le réalisateur arrive à créer vraiment une descente tranquille. Ça va y aller, comme je dis, doucement avec des petits objets grugés, sa nourriture. Puis là, Peter Weller va essayer de mettre des petits pièges à souris, des petites choses, mais ça va pas marcher parce que le rat est vraiment assez brillant. Il va éviter tout ça. Puis plus Peter Weller va vouloir essayer de le pogner puis d'y mettre des bâtons dans les roues, plus le rat prend ça personnel et ça devient vraiment une grosse confrontation over the top. Mais c'est tout le temps fait de façon quand même crédible et réaliste. Et ce qui vient rajouter vraiment une grosse qualité au film, c'est que Peter Weller doit quand même en même temps faire son espèce de contrat qui est stressant. Fait qu'il va avoir une descente psychologique. Puis plus ça va, plus le gars perd la carte, plus qu'il est plus au boulot, plus qu'il dort plus. Plus il fait juste assez d'en apprendre sur les rats depuis leur début. Puis je vous le jure, ce film-là devient un documentaire. J'en ai plus appris sur les rats là-dessus que tout ce que j'ai pu voir sur Canal D. T'as un long monologue malaisant en même temps pour ses patrons, à un souper qui doit parler de son projet, mais non, lui, il va partir sur les rats. Vous savez que les rats, leurs dents repoussent constamment, c'est pour ça qu'ils doivent toujours gruger pour empêcher que leurs dents deviennent trop longues. Puis là, il part sur un monologue de 8 minutes, je suis comme « Fuck, tu me donnes tellement d'informations que j'en ai jamais entendu autant sur les rats. » C'est fou. J'ignore si le film est vraiment véridique sur tous les faits, mais j'ai trouvé ça fascinant. Puis j'ai embarqué dans sa descente, puis j'ai beaucoup aimé les confrontations entre ces deux-là. Puis à la fin, évidemment, ça va dans l'over the top. Puis je pense que Peter Weller fait le bat de baseball le plus badass que j'ai vu de ma vie. T'sais, si vous pensez que le bat dans Walking Dead est hot, fuck that, man. Le bat de Peter Weller, il est trop badass. Okay. Il aurait pété Negan n'importe quand avec son bat. Ah, c'est mais vrai. Non, c'est ça. Méchante belle surprise. Je m'attendais pas à ça, puis j'ai vraiment trippé. Fait que je vous recommande fortement si vous êtes fan un peu de ce genre-là. C'est une petite découverte. C'est hot. Écoute, je vais suivre avec quelque chose de petit aussi, parce que j'ai comme pas le goût d'en jaser longtemps. On en a entendu beaucoup parler. Et c'est le film Véronica. Oui, que j'ai pas encore vu. Mais je devrais. Sur Netflix, réalisé par Paco Plaza, qui est du Wreck. Je dis entre autres, mais non, c'est que Wreck. Ben, en fait, il a réalisé les deux premiers Wreck avec Homme, puis il a fait Wreck 3 comme solitaire. C'est ça, ok, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui, en effet. Puis après ça, Véronica et son suivant. Véronica qui est basé sur un fait divers. En Espagne, je cherche l'information rapidement, mais il me semble que c'est ça, c'est en Espagne, d'un genre de vrai cas d'activité paranormale répertoriée par la police qu'ils n'ont pas réussi à expliquer. Et le film commence avec comme l'appel au 911, le véridict, et bon... et les policiers qui arrivent sur les lieux et qui font un genre de « oh, what the fuck », puis là, tu vois pas qu'est-ce qui se passe, puis ben le film commence. Et c'est l'histoire de Véronica, une jeune fille qui vit avec son petit frère, sa petite sœur, et leur mère qui doit travailler quasiment de jour et de nuit pour les faire vivre. Et c'est comme, dans le fond, c'est elle, la mère. Et donc, vit son train quotidien et avec ses amis de classe pendant une pleine lune, va décider de faire une séance de spiritisme, évidemment. Et, bonne idée. Et oui, écoute, comme toute bonne idée, comme il n'y a aucune bonne idée qui peut se passer pendant j'ai dit pleine lune, une éclipse. C'est encore pire, excuse-moi. Tu sais, pendant l'éclipse, c'est l'avènement du démon ou tout ça. Il n'y a jamais aucune. Peu importe ce que vous avez l'intention de faire pendant une éclipse de spécial, c'est sûr que ça va mal tourner. Et bien, finalement, c'est ça qui se passe, ça tourne mal et elle va être possédée / hantée par des entités qui lui veulent du mal. Alors qu'elle, tout ce qu'elle voulait, c'était parler avec son père qui était mort. Et on suit, ben, c'est ça, toute l'histoire jusqu'au jour fatidique de cet appel au 911. Clairement, le film prend des libertés incroyables concernant le fait divers, ce qui est un peu plat, parce qu'en bout de ligne, tu sais, on sent vraiment l'effet cinéma là-dedans. Surtout qu'après ça, quand tu vas lire, tu fais comme « OK, là, on est vraiment loin de tout ça ». Et je ne suis pas aussi méchant envers ce film-là que bien des gens ont été. Beaucoup de c'est monde. C'est mitigé pareil. Hein? Ouais, j'ai entendu c'est... beaucoup de bien comme beaucoup de mal. Mettons que le call qu'on lisait partout dans les promotions de films le plus horrifique de sur Netflix, là chez moi, c'est très clickbait. Mais moi, j'ai trouvé ça efficace par moment et très lazy par d'autres. J'ai trouvé que le film jonglait entre les moments où tu fais comme « ben oui, écoute, c'était tellement évident que c'est ça qui allait se passer et qui manque d'efficacité » versus des moments où « ah mon Dieu, le film utilisait l'imagerie, le rythme et tout ce qui punch sur moi et j'étais vraiment sur le bout de mon siège en fait comme « je me sens vraiment pas bien pendant cette scène-là. » Mais ça a été plus souvent des moments de « pouet, pouet » que des bons moments. Je suis pas capable d'y donner une très bonne note, mais je suis pas capable d'y en donner une mauvaise non plus. Ça reste meilleur que ce qu'on va avoir vu dans les blockbusters souvent. Meilleur qu'un petit juste 4, probablement. Ouais, qui ouais. Très grosse déception. Là. C'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est encore un bon film d'horreur à écouter avec quelqu'un qui est un peu néophyte du genre, qui est pas trop habitué avec les codes, puis qui verra pas trop venir certaines scènes. Sauf que c'est ça, il manque son coup à certains moments, puis il utilise des clichés par moments faciles que je me disais, sérieux, tu y vas là-dessus, tu sais. La nonne aveugle qui voit des choses que les autres voient pas, là, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais. Il me semble que c'est du déjà vu, ou en tout cas, c'est de la narration facile parce que finalement, Ouais. la nonne aveugle ne vient que faire des scènes d'exposition, là, de je vais t'expliquer comment fonctionne un esprit maléfique, je vais t'expliquer comment fonctionne une. Tu sais. Fait que, tu sais, ça, Traditionnel et c'est classique. traditionnel, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis, dans sa scène finale, j'ai trouvé que il utilisait beaucoup trop de flafla. Puis, tu sais, c'était gros par moment. Puis, je me disais, Colin, c'est plate parce que ça me fait plus croire que c'est un vrai appel au 911. Tu sais, ça se peut plus, là. Tu sais, ça se peut pas que ce soit ça qui se soit passé. Puis, ça me gosse. Mais toi, tu Surtout quand mettais le film. beaucoup d'emphase sur le fait que c'était sur un fait divers. Ben écoute, si tu me commences le film avec le vrai call du 911, puis que tu me termines ton film avec pendant le générique avec les images réelles prises en photo par les policiers, je m'attends que tu voulais vraiment miser beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ton fait réel. OK. Tu sais, c'est pas inspiré d'un fait réel comme tantôt ton film avec Jesse Eisenberg, parce que c'est genre inspiré Ouais. d'un fait réel, puis que tu regardes, tu fais comme, ouais, ok, je suis correct, là. C'est ça, là. Il veut vraiment être le film inspiré du fait réel, puis ça marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Et pourtant, c'est plate, parce que quand tu vois les photos, tu fais comme, ah, wow, les photos, c'est exactement ce que j'ai vu dans le film. Mais ce qui s'est passé pour expliquer ces photos-là dans le film est trop gros. Tu fais comme, non, je suis sûr que ça se peut pas. Tu sais, en tout cas. Je vous dirais, donnez-y quand même une chance, là. Il y a vraiment pire que ça sur Netflix présentement. C'est juste que si vous vous attendez à être sur le bout de votre siège, comme vous avez été sur le bout de votre siège pendant un rec, surtout rec 1, ben, oubliez ça. On sent aucunement la. On sent que Homer est pas là. Ben, il veut peut-être pas non plus essayer de recréer ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'ai vu Homer par après essayer de faire des suspens, puis. Lui, il l'avait. Ouais, Rec 4. As-tu vu Rec 4? Non. Ok. Non. Pourquoi? Dis-toi. Je sais pas si t'es. Si tu mens ou. Si t'es sérieux. Non, je suis sarcastique parce Ouais, que Rec 4, c'est le pire volet de la série faite par Homer, puis j'ai vraiment, vraiment été déçu là. ok. Ok. Non, c'est parce que je pensais plus à des films comme Sleep Tight ou. Ouais, c'est peut-être, ouais, je m'en doutais. Moi, Ça. je suis comme un très gros défenseur de Rec 3, fait que c'est sûr, je suis très curieux de voir Oui, celui-là, mais mais. REC 3 était le fun. Il était pas. C'est ça qu'on avait aimé de REC 3. REC 3 Ouais, avait laissé tout le suspense de côté et faisait juste avoir du fun. Ben, il allait complètement ailleurs, c'est ça. Il Ouais. allait avec l'effet de surprise. Fait que c'était cool. Mais oui, non, REC 3, j'adore aussi. C'est ça. Je le classe pas parmi mes films d'horreur les plus prenants. T'sais. Je le prends comme une bonne ride. Ouais. Et écoute, vas-y avec ton dernier sujet, mon cher. Oui, un petit dernier. C'est pas un film que j'ai tant envie de parler beaucoup parce que je pense que ça reste assez minime, mais j'ai eu un certain plaisir en le voyant. C'est Cargo qui a débarqué sur Ouais. Netflix, film de zombies qui met en vedette Martin Freeman. Et c'est tiré d'un court-métrage qui a été quand même assez populaire, que la plupart des gens ont trouvé excellent. Moi, je ne l'avais pas encore visionné, le court-métrage. Fait que j'ai été un peu à la surprise avec le film en long-métrage. Et c'est un film australien qui se déroule évidemment en Australie. Et j'aime beaucoup le cinéma australien. J'aime beaucoup leur décor là-bas. Je trouve que ça apporte souvent une vibe différente, surtout dans les films post-apocalyptiques. On s'entend que l'Australie sont pas mal les tops souvent dans ce domaine-là, les Mad Max. Et Ouais. dans les dernières années, on avait eu This Final Hour, que j'avais beaucoup aimé. Et ça raconte l'histoire d'une petite famille, un père, sa femme et leur bébé qui vivent sur un espèce de petit bateau qui se promène ses rives alors que c'est pas clair, mais alors qu'on dirait qu'il y a une épidémie à travers la planète, mais tu as l'impression que ça se déroule juste en Australie puis que c'est barré des autres pays. Comme je dis, c'est pas clair. Et il va arriver un malheureux incident, et c'est pas vraiment un twist, là, ça fait partie du synopsis, mais le père va se faire mordre. Et il va se retrouver avec 48 heures pour trouver un moyen de faire en sorte que son bébé va pouvoir survivre à quelque part, avec peut-être quelqu'un. Okay. Et sa femme a juste disparu. Mais comme je dis, ce que je dis là, c'est pas un twist, là, c'est inclus dans la bande-annonce, c'est inclus dans le court-métrage et dans le synopsis. Fait que c'est vraiment l'histoire focussée sur le père et le bébé. Et c'est un film de zombies très lent. C'est très, très lent. C'est beaucoup basé sur les relations qu'on va avoir le père avec son enfant, avec les autres personnages qu'il va rencontrer. C'est un film très humain. Évidemment, moi, c'est venu me toucher. J'étais un père de famille et te connaissant, Seb, je crois que le film va venir te toucher là-dessus parce que de te mettre dans cette situation-là, tu sais que dans 48 heures, c'est fini. T'es mort, t'es plus là, puis ton bébé, ben il peut pas se débrouiller tout seul s'il est trop jeune. Fait que tu essaies de trouver peut-être la personne la plus saine d'esprit qui va être apte à s'en occuper après. Je fais juste m'imaginer, puis j'angoisse. Fait que là-dessus, je trouve que le film, c'est un très réussi d'un côté drame, puis Martin Freeman est vraiment bon. Je croyais à ce père-là, puis j'étais désespéré avec lui. Puis je trouve que les deux réalisateurs, je pense que c'est un gars et une femme, arrive malgré que c'est un genre saturé, on s'entend qu'on est tanné. Ben, en tout cas, moi, je suis tanné des films de zombies un peu, je pense qu'on a eu notre dose. Mise sur le minimaliste, ça prend du temps avant qu'on voie les zombies, fait qu'il mise beaucoup sur une atmosphère. Je trouve qu'il y a des scènes quand même stressantes, assez bien concoctées, mais avant tout, ça mise pas vraiment sur l'action ou les attaques, c'est vraiment juste sur les 48 heures du père qui va essayer de trouver quelque chose. Ça révolutionne rien, ça utilise un peu des ficelles qu'on a vues ailleurs, même sur le point de vue père, relation fils, je veux dire, avec Train to Busan, avec The Girl with All the Gifts. Je crois qu'on a pas mal tout vu ce qu'il y a eu ailleurs. Et malgré que le film dure, ouais, il dure quand même 1h45, je ressentais un peu le court-métrage étiré sur la durée. Ouais, fait que ça fait un peu mal. Et j'ai été voir le court-métrage par la suite et je trouve que le court-métrage est quand même bien meilleur que le film. Mais j'ai pas trouvé le film désagréable. Je trouve que c'est un bon petit film qui va pas forcément vous marquer, mais que j'ai trouvé quand même bien emballé. Puis ça a fait la job de temps que ça a duré. Mais c'est ça. Je vous recommande peut-être. J'hésite. À vous de voir. Je vous recommande beaucoup de courts-métrages si vous voulez économiser du temps. Et si vous avez vraiment 1h40, allez écouter le film sur Netflix. Et puis est-ce que le court-métrage va nous voler et gâcher le film? Si j'écoute le court-métrage, je veux dire, j'écoute du film en me disant, ah, ben, je sais tout ce qui va se passer. Plus ou moins, je te dirais. Ok. Parce que, tu sais, admettons, je sais pas, moi, je pense, court-métrage de ma mère, même si j'écoute le court-métrage avant, ça me gâche aucunement le film. Non, à part que tu as des scènes clés, fait que c'est un peu ça aussi avec Cargo, là. Mais je crois que c'est plus que tous les thèmes, puis tout ce que ça essaie de dire, c'est condensé. Puis, tu sais, t'as un espèce de rapport avec les indigènes, comment sont. Incrustés ailleurs qui tentent d'élaborer un message sur un peu le racisme puis le rassemblement, mais je trouvais que c'était plus ou moins. Comment je pourrais dire? Plus ou moins bien poliché. Là. C'était moyen. Fait que, c'est pour ça que je dis que c'est agréable, mais sans plus. OK. Et est-ce que le court-métrage va avoir le même. Tu disais quand même que tu te sentais interpellé par le long. Est-ce que le court réussit en peu de temps à venir te chercher? Oui, vraiment. Honnêtement, le court-métrage, c'est vraiment, vraiment excellent. C'est juste que le film s'est tiré sur longtemps. Fait. Oui, tu passes plus de temps pareil avec le père et l'enfant. C'est juste que par moment, il utilise des ficelles qu'on a vues plein de fois là, dans le genre de zombies post-apocalyptiques. Là. Tu sais, tel personnage que tu te doutes qu'il ne faut pas y faire confiance. Mais là, c'est juste pour entraîner un rythme. Fait que ça apporte un peu d'action. Mais tu sais, j'étais comme, j'aurais pu même m'en passer. Tu aurais pu couper un 10 minutes de ton film puis ça aurait été correct. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste. Ils essayent de rajouter de la viande sur un court-métrage qui n'en avait peut-être pas besoin forcément. Dommage. Écoute, j'y vais. Et là, peut-être je le fais pour. Je l'ai fait pour JF, qui n'est pas là. Un livre. Un livre? Écoute, man, je me suis remis à lire. Mais c'est pas tout à fait horreur, fait que c'est pour ça que je vais passer très, très rapidement. C'est juste parce que je me suis dit que pour Jeff, il fallait que je parle d'un livre. Puis, écoute, éventuellement, ce sera un peu horreur, mais ça va être... c'est à peine des recommandations. Je me suis replongé dans les vieux livres que j'avais quand j'étais jeune. Écoute, il y a même un sticker sur le... Il y a un étampe dans ce livre qui dit « Ce livre appartient à Sébastien Bouchard, mars 96. » Okay, oh. Fait que, tu sais, ça date, là, OK? Là, Steven, je sais pas si... Moi, je te le montre à la caméra, là. Je sais pas si ça dit quelque chose, ce Les titre. Royaumes oubliés, oui, ça me Les dit Royaumes quelque oubliés, chose. Au OK. primaire, je voyais ces livres-là. Les Royaumes oubliés, OK, publié par Fleuve Noir à l'époque, c'était TSR. Les Royaumes oubliés, c'était comme un monde dans lequel des aventures de Donjons et Dragons se passaient. Puis c'était des livres qui racontaient les histoires des personnages héroïques. T'sais. En fait, c'est pas pour jouer, c'est pas un livre dont vous êtes l'héros ou quoi que ce soit. Mais c'est ça racontait les histoires de ces personnages-là. Puis je me suis rendu compte là, que je cherchais beaucoup trop qu'est-ce que je voulais lire dans la vie. Et, tu sais, j'essayais de lire des nouveaux livres, puis j'essayais de lire des trucs un peu plus adultes, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que, comme un adulte qui lirait encore ses vieux Conan, ou qui lirait encore ses vieux Bob Moran, ou peu importe quoi, ben mes vieux livres de Donjons et Dragons, c'est ça qui me fait encore du fun, tu sais. Sauf que, bâtard, il m'en reste 4. J'ai tout donné le reste. J'en avais facilement une vingtaine. Oh, tu te l'as regretté. Ouais, ça. Genre, je sens que j'ai gardé les autres en disant, ouais, ben, tu sais, la trilogie originale, je vais la garder symbolique, mais les autres, je vais toutes les donner. Et là, je suis vraiment déçu. Écoute, j'ai réussi dans une vente de garage à en trouver d'autres. Et entre autres, c'est là où que le petit horreur va venir. À l'époque, il y avait ceux qui connaissent un peu tout ça, il y avait les Royaumes oubliés, il y avait les Dragonlance, qui était un autre monde avec d'autres personnages, et il y avait aussi les Ravenloft, qui était un monde gothique avec vampires, loups-garous, et etc. Mais tout ça avec le monde de Donjons et Dragons. Et j'ai trouvé les 4 premiers livres de Ravenloft. Alors, je vais lire du Ravenloft, alors je vais lire des trucs qui vont être plus horreur. C'est pas tout le temps super bien traduit, c'est pas tout le temps... habile, parce qu'en plus, c'est ça, c'est un livre, le livre, c'est un livre de poche à 248 pages, puisque je lis, pour ceux qui connaissent ça, qui veulent savoir. Mais là, Sébastien, dis-nous lesquels tu es en train de lire. J'ai le numéro 2, c'est la trilogie des Avatars, c'est comme l'introduction à tout ce monde-là. Et en anglais, le livre fait 350 pages, puis il en fait 248. Ils ont coupé du stock. Là. Des fois, là, c'est genre, elle allait avoir un tel, et il lui dit ça, et elle repartit. Tu sais, là... Okay, ouais. Fait que tu fais comme, OK, d'après moi, dans l'original, tu vas avoir la discussion. Là. Mais là, des fois... c'est comme si tu prenais un dialogue de 8 minutes de Quentin Tarantino dans ce film, puis tu coupes ça en une minute. Ouais, écoute, là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui disait, « Hey, j'ai vu un gars là-bas, il parle avec lui. » Tu sais, c'est à peu près ça. Mais c'est ça, ça reste que, finalement, j'ai presque fini le deuxième livre. En 2 semaines, j'ai lu 2 livres. Et je n'ai jamais fait ça depuis ma blonde la capote. Elle m'a jamais vu lire autant. Tu sais, il y en a qui. Des gens comme JF vont rire de moi, Vicky aussi. Mais tu sais, j'ai repris du goût à lire. Fait que je suis en train de me rechercher tout ça. Et là, c'est là que je fais appel à vous, fans d'horreur gamer. Oh. Ça traîne peut-être dans vos sous-sols. Parce que si on a déjà été fan d'horreur, on a peut-être été déjà fan de Donjons Dragons ou de trucs un peu plus fantastiques. Peut-être ça traîne chez vos parents, dans vos sous-sols, dans. Vos boîtes de déménagement que vous n'avez jamais défaites en vous disant, regarde, c'est pas vrai que je vais débacter ces vieux livres-là. Puis vous vous êtes toujours demandé, coudonc, je vais faire quoi avec ça? Ben, c'est peut-être que vous vouliez faire profiter quelqu'un qui est en train de les lire. Et je suis pas en train de dire, faites-moi un don. On s'entend. je suis prêt à payer du shipping s'il faut. Je suis même prêt à vous. Puis là, c'est là que le on verra qui est vraiment fan, là. Mais je suis prêt à vous payer en t-shirt d'Horror Gamer. S'il faut, je vous shooterai un t-shirt, je vous shooterai un whatever. Mais écoutez, si vous avez quoi que ce soit dans ce genre-là, shootez. Écrivez-moi en privé sur Horror Gamer. Vous feriez un homme heureux. Puis ben, je continuerai à en jaser un petit peu de temps en temps, juste pour le fun, de vous dire j'en suis où dans toute cette épopée de Sébastien qui avait 14 ans à l'époque et qui lisait ça avec passion. Tu vas être content, mon cher Sébastien, ouais. Parce que j'en ai pas. Excuse-moi. J'étais comme, ça me passe pas ça. Hey, puis sur ça, Steven, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui, ça a été... Ça a été le fun. Ça a été une belle Ça a été le fun, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien de se retrouver. Oui. Écoute, j'aurais aimé ça qu'on jase plus longtemps dans cette conclusion-là, mais il y avait une épée de Damoclès qui pendait au-dessus de notre tête tout le long de l'épisode, et c'était ma petite fille qui allait se réveiller éventuellement. Et là, oui. Je l'entends pleurer. Et il est 11h15, et là, je vais aller backer ma blonde. Bonne Alors, idée. peut-être que ça va se terminer un peu rapidement pour vous, mais j'espère que vous avez apprécié. Merci Steven d'avoir été là. Merci tout Toujours un le monde plaisir. sur le chat live d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous suivre toujours. Et n'oubliez surtout pas de garder ça horaire. Bye bye!